Salut Zachro, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Juste un gamer. Marilyn. Et Tester Alpha. Pour le podcast des Accros des Jeux. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va bien. Bonne année 2014. Oui. Bonne année. Bonne année tout le monde. Vraiment content de vous revoir en cette belle année 2014. Et aujourd'hui, c'est le temps d'introduire deux nouveaux membres. Alors, j'aurais besoin d'une musique solennelle. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire une musique solennelle? Nous accueillons deux nouveaux membres. Alors, merci PL pour cette version scrappée de Final Countdown. Dans une boîte de condom. Une boîte de condom. On introduit. La VO, c'est une boîte de condom. Exact. On introduit deux nouveaux accros à l'équipe. X, ils sont Shadowzone Gaming et Arcade Retro. Bonjour, messieurs. Bienvenue dans les accros des jeux. Hello. What, what? Yeah! Très content de vous avoir dans l'équipe. Je vais vous poser des petites questions. Je vais commencer avec Arcade Retro. Ben, salut! Bienvenue salut! Dans alors, tu vas pouvoir nous jaser un petit peu de qu'est-ce que tu fais comme style de vidéo et également parler un peu de ta chaîne également. Yes! Je fais ça là? Oui, tu fais ça là! sans filet! Podcast des accros, on fait ça sans filet. Yes! Ben écoute, je fais une série de vidéos qui sont différentes. À la base, c'est un petit peu des reviews, des rétrospectives de vieux jeux d'arcade, mais c'est un petit peu divagué, se tourner en entour d'un paquet d'affaires des années 80-90. Ça fait que ça peut ressembler à l'expérience que j'avais de louer des jeux dans le temps au club vidéo jusqu'à les fucking Kinder Surprise, que j'ai fait une ouverture open box de Kinder Surprise. Écoute, c'est vraiment variable. D'autres vidéos que je ne veux pas spoiler que j'ai faites durant le temps des fêtes, fait que la majorité vont s'en tenir par après. En gros, ça ressemble pas mal à ça. Je te dirais que je profite de la tribune pour retourner un petit peu dans le temps, dans mes souvenirs à moi, puis dans des jeux où j'ai beaucoup de nostalgie. Puis je redonne ça au monde avec de mes souvenirs personnels. Génial. Fait qu'on est très très content de t'avoir dans l'équipe. J'espère que tu vas t'amuser avec nous autres. Pour finalement prochainement dans l'équipe. Et on a également une voix familière qui est avec nous, qui est Shadow, qui revient faire son tour dans Accro, mais cette fois-ci, pas en tant que substitut, mais en tant que membre des Accros. Un vrai Accro des jeux. Écoute, parle-nous un peu, qu'est-ce que tu prévois faire dans Accro des jeux, côté vidéo, côté ta chaîne également? C'est de faire découvrir à peu près au monde qu'on n'est pas obligé de payer des fortunes pour jouer à des bons jeux. D'essayer de trouver les jeux free-to-play, les petites aubaines, les petits jeux indépendants, pour qu'on puisse sauver notre portefeuille. Comme j'ai eu certains moments qu'on n'avait pas acheté les grosses sorties Call of Duty. Mais il y a toujours quand même des bons jeux qu'on peut toujours trouver sur Internet, autant que console, sur Xbox Live Arcade, sur PlayStation Network. Puis, ou sur Steam, quand il y a des rabais, tout ça, ça essaie de présenter ces jeux-là, les free-to-play, les multiplayer, pour que tout le monde puisse jouer aussi facilement, puis que dans une soirée, qu'on peut arriver en laine, ben, payer des petits jeux à 2-3 piastres, puis commencer à jouer. Donc, c'est faire découvrir ces jeux-là pour à peu près tout le monde. Alors, génial, mais félicitations également pour ton entrée dans l'accro des jeux. Merci. Les deux seules personnes qui manquent, c'est Tanuka et Jigger. Et Jigger, je l'ai pas encore vu dans un podcast des accros. En 2014, Jigger, faut que tu participes à un podcast. T'es obligé. Ouh. Ben, faut que je t'arrête, t'as oublié quelqu'un d'autre. Qui j'ai oublié? Beta! Ah, Beta, mais là, Beta, il faut que tu réussisses à le traîner chez nous, là. Moi, ouais, Beta est pas officiellement un accro, tu sais. Non, c'est la bitch à Alpha, là. Alors, mais non, Beta, il vient quand même faire son tour une fois de temps en temps. C'est pas un membre officiel, mais il est quand même dans la gang des accros dans un certain sens, là. Il est dans les parages. Il est tout haut dans les parages et probablement que si j'ai réussi à lui faire donner une bonne connexion à Internet un jour, on va venir. On va être toujours. Une soirée mémorable. Oh que oui. Alors, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé durant le temps des fêtes? Je vais commencer avec Antithèse, ton temps des fêtes à toi. Oh, c'était... Je t'avouerais que c'était bien banal. C'est pourquoi je te dirais que avoir passé la même journée avec, au coin avec les accros, c'était génial. Je tenais à le dire live. C'est surtout que je voyais de la... Si je voyais pas de la famille, ben en fait, moi, je travaillais. Bon, c'est sûr, je travaillais pas le 25, puis le premier, puis le 25, le 26, le premier, puis le deuxième. Mais je travaillais dans mon sens, je travaillais sur ma vidéo des top 10 attentes de 2014. C'est que j'ai comme, sérieusement, j'ai vraiment sacré, parce que 3 jours pour avoir un rendu qui avait de l'allure, je trouvais que ça n'avait aucun bon sens. J'ai l'air d'un amateur en disant ça, mais c'est vraiment... C'est une histoire malheureusement vraie. 3 jours pour pas tenter un rendu, sinon, ado première. Excuse, j'avais envie de faire du violon. Ok. Il bosse selon Big Ben. Ok, d'accord. Écoute. C'était triste, j'avais envie de rajouter une médictrice en arrière. C'était sarcastique et j'apprécie. Ah, ça fait plaisir. juste un gamer de ton côté. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement, mon beau Ben? Qu'est-ce que t'as fait durant le temps des fêtes, point? J'ai vu de la famille, c'est bien important la famille. La famille, ça passe en premier. Puis Tout à fait. Puis j'ai gamé en cochon aussi, hein. C'est ça. Ah oui? Fait les vacances quand à quoi t'as joué? Ben écoute, j'ai fini les 2 Darksiders sur Xbox 360. Oh. J'ai fini pour la première fois Paper Mario sur Nintendo 64. J'ai presque fini Velvet Assassin sur Xbox 360. Puis j'ai joué à plein d'autres jeux là. Puis j'ai acheté bien des cochonneries sur Steam que je sais même pas ce que j'ai acheté, mais c'est pas grave. T'as fait exactement comme moi. ouais, j'avoue que ça a marché un peu pour moi aussi. Alpha, ton côté? Moi, j'ai eu pas mal de temps libre, ce qui a fait mon affaire, parce que j'ai enfin pu mettre de côté mes jeux de merde pour jouer à des vrais jeux. Puis, Colin, ça fait longtemps que j'avais fait ça. Fait que je me suis régalé avec Super Mario 3D World sur la Wii U. Je l'ai pas fini parce que le jeu est super long, mais nice. C'est un bon côté du jeu. Il est long, mais il est le fun. Fait que dans le fond, t'es content. Mais oui, il est très long parce que surtout que moi, je me suis mis dans la tête de pogner toutes les étoiles, tous les collants, tous les petits bonus, tout ça. Fait que quand je finis un niveau, il est fini à 100%. Fait que donc, c'est long. Mais écoute, le jeu est tellement bon que, regarde, je m'en plains pas. Puis donc, c'est ça. Sinon, j'ai pris de l'avance, j'ai fait des cris... Ben, vous le voyez pas là, mais j'ai commencé la préparation de mon prochain épisode, puis ça a quand même pris un bon bout d'avance, parce que si j'avais travaillé pendant tout le temps des fêtes, c'est sûr que j'aurais pas pu faire autant de choses comme ça. Fait que oui, j'en suis très content, j'ai eu le temps de voir ma famille et les accros aussi, c'est vraiment cool. Fait que ouais. Numéro 1. Oui, on va expliquer un petit peu tantôt pourquoi on a eu le temps de se voir. Je vais y aller avec Arcade. Toi, ton temps des fêtes à toi, as-tu eu du temps pour toi? Ouais, un petit peu trop de temps. Fait que. un peu trop de temps, mais j'ai comme une obsession de commencer plein de jeux, mais de jamais les finir. J'ai tout le temps envie de commencer un. Là, je joue, ah shit, celle-là est en spécial, ou au moins une prête celle-là, puis un vieux classique à mettre qui traînait dans ma librairie. Fait que je commence un paquet de jeux, j'ai acheté des affaires. Ben sur Steam par contre, j'ai acheté DayZ. J'ai essayé, c'est pas dans un état très jouable avec mon ordinateur. Puis j'ai essayé Far Cry 3, que j'avais pas joué cette année. J'ai rejoué à Grand Theft Auto 5 Online. Quoi d'autre? J'ai acheté Bully, que j'avais pas joué puis que j'avais au PlayStation 2, puis je l'ai acheté sur Xbox Live aussi. J'ai joué beaucoup au iPad aussi, je te dirais. Là. C'est différent. Ah ouais. J'ai pas de DS ni rien, pas de PSP ni rien de ça. La seule console un petit peu portable que je dirais, c'est mon iPad. Fait que non, je me suis bien amusé. Là. J'ai visité une couple de vieux jeux. Ça va pas bien, hein? Non. Tu m'inquiètes, là, Arcane. T'as un iPad pis t'as un Mac. Tu sais que là, je suis obligé de retenir juste un gamer là, à cause de ça, là. Non, Master, non, non, non. Il y a un Mac guy dans notre groupe. Attends. Ben, oublie pas ce que je t'ai dit. Je t'avais dit que si tu gagnais un million, tout le monde, tous les accros auraient des Mac, même juste un gamer. Quoi? Oh oui! Oh oui! On peut-tu juste me donner l'argent en place? Je veux pas de Mac, non. Avec Final Cut Pro, tu peux pas dire le contraire. C'est un beau cadeau, je vais te faire. Mais je m'en calisse, je fais tout ce que je veux avec Adobe Premiere. Fuck Final Cut Gugus. Non, tu m'auras pas avec tes petits bonbons. Là. Ben là, donne-moi une chance. No way. Ok. Ok, d'abord. Shadow, de ton côté, qu'est-ce que tu as eu le temps de faire durant le temps des fêtes? Ben, la famille, pour la première année aussi, je la passais sur la famille à ma copine, fait que on a eu beaucoup de courroyage. Courroyage, toi! On a eu à se promener. Attention, beaucoup. Hein, t'es enregistré live! Ah, juste à côté de moi, elle me dérange pas! On a aussi, j'ai aussi fait les Steam aussi, j'ai beaucoup vérifié ça, je me suis retrouvé avec plein de jeux pour vraiment pas cher qui vont apparaître dans mes vidéos dans pas long, que ça me fait beaucoup de travail là-dessus. Sinon, on a travaillé. J'ai pas fait l'éveil, je suis content. C'est... Faut être travaillé pendant le temps d'éveil, mais on a beaucoup passé de temps avec ma famille. Vraiment. Puis j'ai gamé un peu assez les jeux, mais pas plus qu'il faut. Là, c'est du côté à Marie et à moi, parce que veux, veux pas, vous savez tous, on est en couple. Alors, Marie et moi, on a fait pas mal les mêmes activités ensemble. Je vais commencer. Vas-y, Marie, qu'est-ce que t'as fait, toi, de ton côté? Ben, c'est sûr qu'on a vu beaucoup la famille, parce que veux, veux pas, c'est essentiel, comme dit juste un gamer. La famille passe en premier, surtout dans le temps des fêtes. Mais on a eu la chance de gamer un petit peu plus pendant le temps des fêtes. Pour moi, pour ma part, c'est quasiment un miracle de pouvoir gamer plus. Si vous me connaissez un peu des anciens podcasts que j'ai participé, que j'ai tout le temps, j'ai pas le temps de jouer. Mais c'est ça, j'ai joué, oui, juste un gamer, j'ai joué à Skylanders, Spyro's Adventures. Woohoo! Oui, j'ai contaminé mon cher Big Ben par ailleurs. D'ailleurs, il a acheté des figurines. Des nerfs? Mais sinon, à part de ça, j'ai joué à la Just Dance 2014. Je l'ai acheté et je commence à y jouer. J'aime bien. Jusqu'à maintenant, j'ai pas assez joué pour faire une revue complète, là, mais j'aime bien. J'ai pas beaucoup joué à ma 3DS, par contre. Sinon, à part de ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La télé aussi qu'on a suivi. Oui, on a écouté une nouvelle série qu'on est rendu à saison 2. Je sais pas si vous connaissez Once Upon a Time. Non. Ma copine, vous manquez quelque chose. Je vais laisser Ben expliquer un peu c'est quoi l'histoire, là, parce que moi je peux m'étendre à en plus finir puis faire des spoilers. Là. Ok, imaginez-vous que vous êtes un personnage de conte de fées puis vous vous ramassez dans une petite ville du Maine. C'est tout ce qui se passe. Mais non, c'est plus complexe que ça parce que l'histoire c'est que il y a une malédiction qui se passe dans le pays des contes de fées puis à cause de cette malédiction-là, ils sont tous emprisonnés dans une petite ville du Maine puis ils se souviennent plus qui ils sont. Puis il y a amené une fille qui arrive dans le village avec un petit garçon puis elle comprend de plus en plus au fil des épisodes que non, c'est pas du monde normal, c'est vraiment des personnages de contes de fées dans chaque personnage, puis ils ont toute une histoire plus complexe que dans l'histoire originale. C'est vraiment cool quand même. Fait que pour ça, de mon côté, j'ai suivi à CIA avec Marie. T'as-tu d'autres choses à dire, Marie? Oui, j'ai travaillé comme à la garderie pendant 3 jours, parce que oui, on était ouvert pendant le temps des fêtes. Et c'est pas mal du tout, moi je dirais okay. De mon côté, ouais. De mon côté, j'ai joué, j'ai gamé en Steam. Maudit Steam, de la faute à Steam. J'ai acheté beaucoup de jeux, j'ai joué à beaucoup de jeux aussi, puis j'ai donné beaucoup de cadeaux aussi. J'en ai donné à quelques amis des codes de jeux que je leur offrais. Mais j'ai joué beaucoup à Sword of the Star de Pit. Qui est un petit jeu que j'ai payé comme 3$ sur Steam, puis j'ai vraiment trippé. J'ai découvert Path of Exile, un hack and slash, un petit peu à la Diablo, mais free to play. Puis je trouve ça cool, sérieusement, parce que c'est un free-to-play où t'as pas à acheter du stock pour t'améliorer. Si t'achètes du stock, c'est juste pour customiser ton personnage. Fait que tu peux jouer au complet sans dépenser une scène, pis t'es pas pénalisé pour autant. Ou pour que tu montes de niveau plus vite ou des affaires de ce genre-là. C'est ça, c'est vraiment cool. C'est seulement de la customisation. C'est ça que j'ai trouvé cool. Puis ils t'achalent pas non plus. Ils t'achalent pas tout le temps avec ah, ben tu pourrais t'améliorer avec telle affaire, ça coûte 2$. Non. Toi, ils te laissent tranquille. J'ai vraiment trippé. Puis j'ai joué aussi à un jeu que Retro m'a offert, que juste un gamer m'a donné, et qui est Catan sur PC. Alors. Hein? Oui, Catan version jeu PC. C'est-tu oui. les colons de Catan, là, qu'on parle oui. oui. Oh, ouais. Mm-hmm. Yep. Alors, c'est intéressant, ça. Ah, c'est vraiment cool. J'aime bien le jeu, sérieusement. Je joue beaucoup, puis je trippe bien. Fait que, non, c'est vraiment cool, comme petit jeu PC, là, passer le temps, puis à me préparer pour le prochain affrontement contre le testeur alpha, pour éviter de me faire ramasser comme les dernières fois. Ben non. Mais si jamais vous affrontez Tester Alpha dans un match de board game, faites attention. Ou si vous jouez au Yeti, c'est bon. Correct. C'est parce que j'ai pratiqué mes roulés de dés. C'est ça ton secret. Ou... Ah ouais, ouais. Mm. Juste pour vous dire la gang que oui, on parlait de ça tantôt. On s'est réunis pour le jour de l'an, la plupart des accros ensemble, et on a célébré ensemble le jour de l'an. Fait que ça a été vraiment cool de passer du temps entre nous, puis de rire, puis d'être en gang. Finalement, on a joué des jeux, puis on a regardé le bye-bye. Vous en avez pensé quoi du bye-bye cette année? Écoute, le bye-bye cette année, il était bon. Tant et aussi longtemps que Véro était éclipsé le plus possible. Bien, mais c'est vrai! Ben, je t'avoue que moi aussi, elle me tape un peu ses nerfs, là, mais... Parce qu'elle est hyper narcissiste, c'est ça l'ensemble de son gros problème. Elle puis Louis-José... Pas, j'allais dire Louis-José au monde. Mais là! Louis-José, pardon! C'était la belle surprise, Louis-José, on s'entend, là. Ouais. Mais heureusement, par exemple, que les humoristes étaient là cette année. C'est, ben, je l'ai dit à la fin, puis je pense encore heureusement qu'il y avait les humoristes dans le décor. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ça a vraiment rehaussé le niveau des blagues, là. Mais je trouvais qu'il y en avait des humoristes qui manquaient beaucoup à l'appel. Tu sais, qui étaient annoncés, mais qu'on a vu à peine quelques secondes. Je pense à Claudine Mercier qui... Un personnage. Ben, ça cause des montages. Ils l'ont expliqué, je pense, par après. Il y a des trucs qui ont été obligés de couper par manque de temps parce que Radio-Canada donnait 1h20 puis pas plus. Fait qu'ils ont dû couper des sketchs mettant en vedette certains humoristes. C'est ça qu'ils ont trouvé ça plate. Ben, je trouve ça plate, sérieusement, parce que je trouvais qu'il était court cette année. Sans que j'aurais mis. C'est pas 2 heures, absolument? Non, c'est 1 heure. C'est 1 heure comme ça. Dans le temps, quand c'est Louis C.A. qui faisait, par exemple, dans les années 90 et 90, c'était plus dans les 2 heures à ce moment-là, ouais. Mais RBO, ceux de RBO, ceux de Véro, de Cloutier Morissette, c'est toujours été vers les 1 heure. On va dire 1h30 pour dire. 1 heure avant, puis 30 minutes après le décompte. Ouais, genre. Mais ça pénalise fortement. Ça le pénalise fortement, je trouve. Moi, je le mettrais plus. C'est une affaire qui est très regardée. Ça leur donnerait quasiment le plus... Ça vaudrait plus la peine de le mettre plus longtemps, vu que c'est déjà beaucoup regardé. Là. Ben, c'est une addition que les gens ont bien aimé que ça fasse son retour. Ça c'est... Il n'y a pas à dire. C'est coûteux, on s'entend. Un bye-bye, veux pas, là. Ouais, mais. Ils doivent leur faire leur argent, là, pareil. Ils font leur argent, garde. Tu parles de bye-bye à une compagnie quelconque, puis garde, vous avez quasiment ton. Comment faire automatique, là. Les gens veulent acheter du temps dans le bye-bye. Pourquoi tu penses qu'il y a eu autant de pubs, d'ailleurs? C'est ça. Ah, c'est un fait. Il me semble que tu t'aurais rajouté un 40 minutes de plus, tu aurais eu plus d'argent aussi, là, mais... Et plus de pubs potentiellement, et tout le patatin. Voici l'arcade. Mais c'est pas les nouvelles qui jouent avant le bye-bye? Il me semble que avant, non, c'était... Non, Infoman. Infoman, oui. Infoman, c'est vrai, ok, c'est ça. Ok, t'as raison. Parce que je sais pas où ce qui rajouterait du temps, serait quoi, une demi-heure après? Ouais. Ou un petit peu avant au pire. Si au pire, il aurait pu commencer à... Genre, moi, je pense que Jean-René Dufort, tu peux le mettre à 9h, ça aurait pas posé de problème. Mais je vais faire après, lui. Même que j'en ai refait à 9h, il y aurait même eu plus de codes d'écoute parce que c'est. Bon, t'as. Et qui Dieu créera la flaque. T'as Infoman qui est justement un des éditions les plus attendues le 31. C'est juste que le Bye Bye a le prestige d'être une tradition. Mais Infoman, c'est souvent celui qui est considéré comme étant le top. Ben, c'est vrai qu'il était bon cette année. Ah, moi, c'est... Infoman était bon cette année. C'était très bon. Ben, Infoman, c'est bon à chaque année, je veux dire. C'est ça, là. C'est dur de trouver un Infoman. C'est Infoman. C'est Jean-René Dufort à son meilleur. Depuis combien d'années qu'il fait ça? Ça fait plus que 10 ans qu'il fait ça. Ouais, hein? Plus que ça. C'est fou. Non, c'est fou. Puis, écoute, il est vraiment bon à chaque année. Puis, je trouve que ce gars-là, il en manque pas une. C'est ça que j'ai aimé. Dans son résumé d'une heure, là, il a tout couvert, tout ce qu'il avait à couvert. Puis il punchait à chaque sketch. Fait que, non, sérieux, il est vraiment bon, ce gars-là. Bon, on va embarquer on va aller voir notre monde qui nous jase sur le chat en ce moment live. Je sais à gang que le chat semble être plus lent, des petits problèmes de modération que je dois faire, mais ça va être réglé pour le prochain podcast. Mais inquiétez-vous pas, vos commentaires vont apparaître sur le chat, c'est juste que je dois les modérer au fur et à mesure. Alors, on a ici... excusez-moi... Alors, Spider Jérusalem qui dit bonne année les accros et bienvenue au nouveau. Merci. Merci. Et sinon, on nous demande également si on prend les questions ce soir. Oui, on va prendre quelques questions ce soir. On ne pourra pas tout répondre parce que le podcast est assez chargé, mais on va prendre le temps pour répondre à deux, trois questions. Alors, puis Philippe Saint-Jean qui nous demande parce que Philippe nous a envoyé des cadeaux. Et il nous a demandé qu'est-ce qu'on en pense. Ben, on n'y a pas réellement touché, je dois vous avouer, parce que le temps des fêtes nous a vraiment occupés sinon. Mais prochainement, on va regarder ça. J'ai pas pu jouer moi non plus, vraiment. Je suis désolé, mais en 2014, je te l'ai promis, en 2014, je vais avoir une revue dessus. Effectivement. Fait que, bon, on embarque toutes les nouvelles? Ben ouais. Allez, let's go. Ben ouais, vas-y. On commence ça. Bon, est-ce que vous connaissez le RPG qui va sortir sur 3DS qui s'appelle Bravely Default? J'en ai parlé dans mon top 10 d'attente de 2014. Effectivement. En pensant qu'il était très bon. J'ai bien aimé. Et mais moi j'ai quand même tous les deux accros en tant qu'être là. Est-ce que vous avez vu, vous autres, le jeu Final Fantasy de Heroes of Light? Oui. Nice! C'était mon nouveau jeu parce que moi j'ai rien vu. Moi, je le connais de vue, mais j'ai pas acheté. Ah, moi, j'y ai joué et je l'ai fini. Ah, regarde donc ça. Est-ce qu'on a dit que t'étais hot, Retro? Je veux dire, Drag? Il suffit pas d'être hot, il suffit juste d'avoir du temps. Là. C'est aussi d'habiter à Québec, apparemment. Bon, mais c'est ça qui est le fun d'habiter à Québec, avec une ville qui est bien entretenue, c'est que t'as pas de temps à perdre, fait que... Easy. Non, quand même. Les coups voient le bas à soi, hein? Non, mais ça, c'est normal. Wow. C'est pas mal commun, là. Oui, c'est... Standard. Ouais. Alors, Bravely Default va être censuré en sortant ici en Europe. On sait pas pour l'Amérique, mais il va être censuré en Europe. Oui, il va être censuré ici aussi. J'ai vu les images qui montrent la différence entre la censure américaine et la censure... japonaise, c'est pas si pire que ça. Là. Dans le fond, ça fait juste couvrir certaines parties féminines qui sont très à découverte au point de vue japonais. Ah. C'est quasiment mieux, finalement. Ben, après, ouais. Moi, je trouve pas que ça change grand-chose, là, mais ils ont plus de vêtements. Là. Puis également, ils ont rajouté l'âge de certains personnages a été revu à la hausse. Parce que c'était des jeunes de 15 ans, puis ils ont décidé de les augmenter à 18 ans parce que. On sait jamais. À cause de la façon qu'ils sont habillés, là, tu sais, genre... J'avoue, là, ouais. Que, là, tout le monde ferait des viols collectifs juste en attendant le jeu, là. Mais au Japon, ils font fort à faire que leur protagoniste ait entre 14 et 15 ans, puis ils sont déjà des dieux. Ils sont très bons là-dedans. Ouais. Les censures, sont-tu juste esthétiques, juste les vêtements puis les âges? Es-tu des affaires du matériel qui ont coupé? C'est assez esthétique, là, au point de vue des graphiques et au point de vue des personnages. Là, c'est pas mal juste ça. Là. C'est ça, c'est, ils ont pas touché, ils ont dit qu'ils n'ont pas touché à l'histoire, fait que l'histoire devrait rester la même, au moins. Mais j'ai une question pour vous autres, la gang. Est-ce que vraiment la censure était nécessaire pour ce jeu-là? J'ai pas vu les images, je peux pas vraiment répondre. Non, je peux pas répondre non plus de mon côté. Au bout du compte, là, c'est le ESRB qui décide, tu sais, dans le fond, ben, qui décide. Il décide de rien, mais mettons, pour avoir une meilleure cote, pour que le monde puisse l'acheter, s'il y avait de quoi être dans le jeu qui faisait en sorte qu'ils empêchaient d'avoir la cote nécessaire, ils ont décidé de faire une modification. Exemple, vouloir le descendre finalement à 13 ans et plus au lieu de 17. Là. Ouais, genre. Comme dans ce cas-ci, j'imagine qu'ils voulaient avoir le E, puis pour avoir le E en Amérique, mais il fallait qu'ils fassent certaines modifications. Mais moi, j'ai pas vraiment vu, j'ai vu la vidéo d'Antithèse, mais à part ça, c'est moi, au contraire, je trouve que oui, faudrait peut-être pour ça, pour le plus de vêtements, les affaires, il faudrait, parce qu'à un moment donné, des fois, les Japonais, c'est quelque chose, des fois. Là. Les Japonais sont blasés sur le plan sexuel. Ça a même été discuté à peu près dans tous les médias, juste un petit peu avant le temps des fêtes. Mais je pense qu'il pourrait vraiment être dérangeant pour le sol nord-américain, c'est si on voit des petites culottes. Sérieusement, je pense que ce serait plus ça le vrai problème. Ben, c'est ça aussi qu'on pêche un peu. Ça peut être important pour les filles, par exemple. Ça, je peux être d'accord. C'est aussi par cette conscience-là qu'il y a eu ces censures-là. Moi, je pense que c'est plus du côté américain que ça a chié dans le dash. Là. Ça a chié dans le dash. Mais les Américains sont... Let's go, c'est cool de tuer du monde avec des guns puis voir le sang qui coule partout. Mais attention, si tu montes un side boob, c'est un crime dangereux. T'es condamné à mort, tu vas être enfermé à perpétuer à Guantanamo. Oublie le projet. Ouais, ne monte pas un titre parce que si tu montes le bout de ton titre, t'es dans marde. Il avait fait ce projet-là, Game of Thrones. C'est naturel là, de l'être humain. T'es condamné à mort. Ben oui, le sexe, c'est innaturel, c'est pas bon, c'est dégueulasse, faut pas le montrer, c'est aussi simple. Mais les guns, c'est naturel, par exemple. Ouais, les guns, c'est totalement naturel, c'est normal pour un enfant de 5 ans d'avoir une mitraillette qui tire 40 balles par seconde. Voyons, un lance-roquette. Ah oui, c'est vrai, lance-roquette pour tirer des avions, ça c'est normal. C'est aussi l'histoire, justement, Final. Si on se pose l'histoire de Final, que les jeunes ont 14-15 ans, si on se fait comme l'histoire complète, on peut pas faire des génocides au fur et à mesure, ça. Bref. Mais ça, c'est correct. Non, ça, c'est correct. Oui. Ah là là, les Américains. Justement, il avait fait ce reproche-là à Game of Thrones. Côté violence, il n'avait rien dit, mais côté sexe, tout le monde avait fait avait chialé là-dessus. Puis justement, l'écrivain avait dit, c'est parce que on me permet de décrire comment une hache peut défoncer un crâne, mais de décrire une scène de sexe qui est plus plaisant que tout. Non, ça faut pas. La scène de sexe a plus de chances d'arriver dans la vie de tous les jours que le crâne. Ouais. Tu sais, voyons donc. Puis il y en a une qui est plus bénéfique que l'autre, disons, tu sais. Ouais. C'est vrai que c'est mieux d'en savoir un coup de bite qu'un coup de hache à la tête. Autre nouvelle pour nos tripeux de WoW. On est 4 ici à peu près. Oui, elle est où? Bon, ceux que vous avez WoW sur votre ordinateur, faites une petite vérification, voir un petit spybot et un petit Avast au cas où que vous auriez un petit virus qui serait introduit, car il y aurait un cheval de Troie qui se promène en ce moment sur certains comptes d'utilisateurs de World of Warcraft. Ce cheval de Troie-là s'appelle Disker. La procédure est disponible sur le site de Blizzard pour voir si vous l'avez. En ce moment, ils savent pas comment pourquoi qu'est-ce qui arrive avec ce... Pourquoi que vous avez obtenu ce virus-là? C'est pas tout le monde qui l'ont. Moi, j'ai vérifié, j'en ai pas, mais ça a l'air que ça se peut que ça soit venu avec certains add-ons. Ah, ça m'étonne pas. Donc, checkez-vous! Mais moi, je joue pas avec add-ons, fait que... Moi, je suis un vieux de la vieille. Ouais, écoute, quand je faisais des raids dans le temps, là, que WoW est sorti, mais sans add-ons, man, on était hot! Mais, là que t'en parles, là, ça va être tellement intense, là. J'ai manqué... C'est même... J'ai manqué... Antithèse, t'as même pas joué toi. Ouais, ouais. C'est ce que j'ai dit, j'ai manqué ce fun-là. Ben, l'extension sort cette année. Moi, c'est pas ton jeu de rattraper. C'est le temps, en plus. J'ai le jeu chez nous, si tu veux jouer. On a de, on a de l'aide de vendeur de crack, là. On t'en donne gratis, après non, ça. Non, moi, fini, le crack, là, j'en fais plus. Mais c'est pas du Skylanders. De toute façon, ça ne peut pas t'empêcher d'être maire d'une ville. Donc. On t'adore, Rob Ford. Moi, pas dans le show, là. Pas mais... moins, là. Ben, il a fait un bon sketch, en tout cas, au bye-bye. Mais excuse, là, mais Rob Ford, là, il a ramené la ville à la porte. Sans map, pis tout, et puis tandis que Montréal, quelqu'un qui prenait pas de crack a fait le bordel, la corruption, plein d'affaires. Fait que, écoute. Ben, c'est quand même. On va prendre le crack, la prochaine fois. La morale de l'histoire, c'est que le crack est moins dangereux que la corruption. Au moins, il sait faire de l'argent, lui, ici. C'est sûr. Ouais, c'est un fait. Autre nouvelle, également concernant WoW, ça a l'air que la gang de Blizzard sont en train de vérifier, voir s'ils pourraient pas trouver une nouvelle source de financement en utilisant WoW. Je vais m'expliquer. Ils veulent essayer d'offrir des nouveaux services pour WoW. D'abord, payer plus pour obtenir un personnage de niveau 90. Donc, tu paierais un montant X, puis ton personnage niveau 1 tomberait automatiquement niveau 90. Non. À la place de demander à un Chinois de le faire. Ouais. Fait que, dans un sens, tu évites, t'élimines l'intermédiaire. Ouais, mais bon. Ben, vous savez tous qu'éventuellement, ça va être ça, là. Oh, oui, c'est sûr que oui. Hein. Tant qu'à faire quasiment pas jouer, rendu là, si tout le monde 90, joue pas. Non, le monde le font déjà. Non, mais c'est ça. Non, mais de toute façon, jouer à WoW, c'est pas... Bon, pour certaines personnes, ce qu'ils aiment, c'est leveler. Fait qu'eux autres, ils paieront pas. Mais pour certaines autres personnes, comme moi, on rate. Fait que leveler, ça nous tombe sur les nerfs, pis that's it. Moi, j'adore leveler. Ben, ouais, t'as le droit, mais pas moi. Okay. Toi aussi, t'as le droit. Aïe, aïe. C'est comme la compensation. Et non, c'est ça. Ils gardent également pour, par exemple, un paiement par année. Comme ils avaient fait dans le temps avec Diablo 3, tu payais comme 70$ puis t'avais Diablo 3 gratuit. Ouais. Tu veux dire... Non, attends, ça a mal été expliqué, là. Ouais, excuse. Tu t'abonnais pour un an à WoW, puis ils te donnaient Diablo gratuit. C'est ça, excuse-moi. Tu payais pas plus, c'est juste que t'étais abonné pour un bout. Là. C'est tout. Okay. Ça, c'est pas pire. Ça, je trouve ça ben pas ouais. Pire. Moi, je l'ai fait, là. J'ai eu Diablo gratuit. Là. Y'a-t-il une idée pour le personnage déjà 90? Quasiment non, ils n'ont pas encore de prix encore sorti. Les connaissances, c'est quasiment une pièce du niveau, je suis quasiment sûr. Mais c'est pas ça. Ça va être bien plus que ça. Ça va être bien plus que ça aussi. Plus que ça. Plus ouais, que. C'est pas une monture, c'est 25$. Ah oui, la monture pour la bonne cause qu'il avait faite, 30$. Puis il donnait 25$. Le Desert Tour, c'est 25$. Les crises de pets, c'est 10$. Hey, tu penses-tu que ton level 90 va te coûter 30$? Oublie ça, c'est Blizzard! C'est Blizzard! Chris, l'exploitation. On verra. Et moi, je dis pas en bas de 150. T'es malade? Arrête! Hey, les Chinois, ils te chargent 40$, ok? Si tu dépenses ça, ça sert à rien. Tu vas aller voir le Chinois, hey, 150$ ou. On va aller voir un Chinois avant. Ça va t'avoir même pas, c'est ça le pire. Ben, moi, le 90, je suis plus probable par rapport à ça parce que, ok, si tu dis comme le Chinois qui fait 140$, au moins à 90, tu sais que c'est légal. Tu sais que tu peux pas te faire pogner. En parlant de l'égalité. Ouais, mais ça empêche pas, c'est de l'arnaque pareil. Ouais, c'est des ordres. C'est des ordres. J'ai rien que ça à dire. C'est des ordres. En parlant de l'égalité dans WoW. Il y a des voleurs de comptes qui sont pris 2 ans de prison. Hein? Hein? Oui. Oh, wow. C'est du côté de la Chine. C'était des responsables de piratage de comptes qui ont été trouvés et jugés coupables de vol de comptes de WoW. Et ce sont attends. Oui. Quand tu dis la Chine, là, tu parles du pays ou de la ville? Le pays. Pas la Chine. Tous les voleurs de comptes de WoW sont pas en Chine, ils sont la Chine. la Chine. Non, non, la vraie Chine. Le pays, c'est bon. Et il y a eu quelques temps, il y a eu 10 000 comptes de WoW qui ont eu des assauts d'un groupe de hackers. Puis le gouvernement chinois, ils ont retrouvé. Puis ils ont jugé pour 2 ans de prison et 8 000 $ d'amende. Ils ont dû pirater quoi d'autre? Parce que je pense pas qu'ils aient eu gagné autant juste pour pirater le compte. Ben, 10 000 comptes piratés. Ouais, j'avoue. Tu prends tout le gold de chaque personne. M'excuse, mais... Ouais, dis-moi, ben c'est ça que j'ai dit. Ça va être d'argent, là. De toute façon, je sais pas s'ils ont eu le niveau... le 2 000 $ de plus. Je sais pas combien que ça vaut 10 000 comptes, là. Mais pas de 2 ans de prison en prison chinoise, on s'entend-tu que... Oh, bah... Je ne pas ça en personne. Je ne pas ça à qui que ce soit. Même pas mon pire ennemi. Non. Fait que, si vous êtes des pirates chinois, vous êtes prévenus. On sait tous que toutes les... Pas sûr qu'ils nous comprennent, là, mais bon. Ah, tu serais surprise, La Chine est déjà dans l'Ouest canadien. Aussi. Oh oui, puis on a le canal, la Chine aussi. Ben oui. Autre nouvelle, je sais que vous avez plusieurs tripeux de vieilles consoles. Quand je parle de vieilles consoles, je parle de l'Atari, le Coleco, le TC. Tu es malade, moi. Moi, je ne jure que par le Xbox One. Pas des rétros, combien de Xbox 360 avec des red lights chez vous? 3. Oh, je sais pas. Ça veut tout dire. juste pour vous dire que archive.org, qui est un site d'archivage, ont maintenant une section dédiée aux toutes premières consoles où vous pouvez télécharger un émulateur qui roule directement dans votre navigateur et vous pouvez jouer à des tonnes de jeux qui étaient sur l'Atari, le Coleco ou le DC2. Et j'ai fait l'essai hier, j'ai essayé la version Double Dragon sur Atari 2600. Eh hey boy! Courageux! Il n'y avait même pas de musique, juste à dire. Alors, combien de temps t'as survécu? 15 secondes. Vous comprenez pas le système de combat? À un piton, ouais. S'entends-tu que t'as pas bébé une variété de choix de combat? Mais si jamais ça vous tente d'essayer des jeux d'Atari, vous en trouvez pas mal sur archive.org. Fait que je vous recommande d'aller voir directement sur le site internet. Ça pourrait vous intéresser. Je prends en note. Ah, d'accord. Cool. Je prends en note. Capcom mérite le facepalm de la semaine. Encore? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec Capcom, on devrait même plus appeler ça le Facepalm, on devrait appeler ça le Capcom. Ils ont encore du cash, eux autres. Ils ont eu une petite rencontre avec les actionnaires et Capcom s'est rendu compte que ça devait être les gens qui aiment Resident Evil, ils sont plus dans la tranche d'âge qu'ils visent. Effectivement, les joueurs qui jouent le plus à Resident Evil, ils sont dans la trentaine puis dans la quarantaine. Ça fait pas le bonheur de Capcom parce qu'eux, ils veulent viser les 15-25 ans. Ouais. OK. Bon. 15-25 ans. Alors, alors, l'entreprise veut... ils vont lancer une campagne de refidélisation visant les jeunes à jouer plus à Resident Evil. Ouais, mais tu peux pas refidéliser le monde qui était pas fidélisé au départ? De un? Je comprends pas le... En tout cas... je pense qu'ils devraient faire là, 2 sections de la franchise. Une franchise pour satisfaire les fans, de là où l'importance du mot refidélisé, puis fidéliser les plus jeunes en faisant une franchise de marbre pour ceux qui ne connaissent pas Resident Evil. Ah ben, je comprends même pas où ils sont rendus à ce point-là. Ça marche seulement avec les fans. Là, ils parlent de rebooter. Ils veulent rebooter. Il parle de rebooter. Ben, il pourrait, là, techniquement, parce que c'est rendu vraiment n'importe quoi. Ben, ce qu'ils pourraient faire, c'est faire exactement ce qu'ils ont fait avec les jeux que j'ai présentement, qu'ils ont fait avec le Resident Evil 1, qu'ils fassent le remake, comme qu'ils ont fait Resident Evil 1, Rebirth, qu'ils avaient fait sur GameCube, ils l'avaient remasterisé au complet. Et pour aller chercher les jeunes, justement, et la ressortir sur les nouvelles générations, plus aller chercher les anciens fans, qu'eux, ils vont voir leur jeu refait au grand complet avec les graphiques du jeu. Moi, c'est ça, je voudrais ça même. Moi. Mais le prix, c'est parce qu'eux autres. Une demande de ça, mais à 152 millions et moins dans leur compte en banque, est-ce que c'est un risque? Ouais, ils ont pas le budget. C'est très demandé. C'est très demandé pour le 2 puis le 3. Oui, c'est demandé, mais c'est parce qu'ils n'ont pas de cash. Ça coûte cher de faire un jeu, surtout à ce niveau-là aujourd'hui. Là, mm-hmm. Puis ils se fiaient beaucoup à Resident Evil 6 pour se refaire les poches, puis ils ont été bien déçus. Comme ils doivent se réinventer, ils doivent retourner aux sources, puis sortir des nouvelles franchises qui coûtent moins cher à faire, moins cher à produire, puis revoir complètement leur modèle de business. Mais un Megaman, ça leur aurait pas coûté si cher que ça, puis j'aurais été content. Mais... Il est trop tard, Mighty No. 9. Je le sais. Je le sais. Non, mais en plus, ils ont voulu quoi, sortir 4 Megaman qui ont tout annulé les uns après les autres? Ben oui, c'est... Hey, voyons mais donc, ouais, t'as-tu une idée de l'argent qu'ils ont perdu? Je repense à ce que à ta vidéo que t'avais faite, antithèse par rapport à Strider. Ouais. Tu sais, ils ont Strider 2, ils ont sorti ça sur PlayStation 1, mais en très peu de copies. Ils l'ont jamais ressorti. Non. Il y a plein de demandes de monde qui aurait aimé jouer à Strider 2. Il est le fun, en chien. Il est cool, mais il est fun. Cool. Il est dur à trouver, là. C'est que Capcom, je le répète, pourquoi qu'ils l'ont pas mis sur le PlayStation Network, sur la PS Store? Pourquoi qu'ils l'ont pas fait? Capcom, ça aurait fait bien de l'argent avec ça. Capcom! C'est quoi le Megaman qu'il voulait faire qui était comme un peu, pas un MMO, mais tout le monde pouvait créer des niveaux, là, le nom de Legends 3. Je pense. Le Legends? Legends 3, ouais. Legends 3, tu peux vraiment créer ton niveau, puis c'était tout du user content? Ah non, tu peux, tu parles de... Network, ça? Non, c'était Universe, je pense. Universe. Ouais, non, mais il n'y a pas vraiment de création de content, là. Y'a pas du user content dessus? Oui, user content, c'était du monde qui pitchait des idées pour Legends 3. Ah, ok. Il y avait un genre de communauté, puis ça marchait au bout, puis là, à un moment donné, Capcom a mis un frein à ça. Puis, voilà. Pourquoi ça aurait été écœurant? Ben, ça aurait été écœurant, certain. Puis en plus, il y a plein de monde qui savait acheter un 3DS à l'origine pour ce petit jeu-là. Ben oui. Parce que, ok, je sens que je vais me faire huer, parce que moi, les Megaman de base, j'ai pas vraiment. C'est pas mon style de jeu. Bouh! Mais le Megaman Legend, bouh, ça m'avait fait aimer quand même la franchise. Oui, Megaman Legend, je trouvais que c'était de la merde. Moi, je trouvais, t'es encore un petit nouveau, toi, là. Non, mais comme le Megaman Legend, ça m'avait fait aimer la franchise Megaman, vraiment. J'avais aimé le style de ce style-là, tout ça. Fait que moi, je t'avais entendu parler qu'elle allait sortir, mais j'avais pas eu d'autres nouvelles. Ils pourraient justement, ça allait chercher un autre type de joueur aussi. Mais déjà qu'ils ont perdu leur producteur original, ça, selon moi, ça a dû affecter énormément la créativité. Les belles années de Capcom sont derrière nous. La seule façon là, que Megaman pourrait être renouvelé là, dans son classique, là, je parle de Megaman classique, là, parce que, entendons-nous, là, il y a juste Megaman classique qui fonctionne dans les Megaman Master. Là. Bon, c'est si Nintendo achète la franchise. Ah, c'est pas fou ça. Ça fit dans leur catégorie. Ça sortirait Capcom de la merde parce qu'on s'entend, ils font rien avec. Là, oui. Oui. Nintendo, ils sont pleins de cash. Là. Ils s'assient, il y a du cash qui tombe dans la toilette. Là. C'est ça. Là. Je pense pas que les fans de Megaman seraient plus portés à suivre le producteur avec son nouveau projet et son Kickstarter. En partie, mais je te garantis que si Nintendo achète Megaman, je vais y suivre. Oui, c'est ça. Il n'a pas le temps, ouais, il y aura les deux là, à vérifier. Là. C'est certain que Mighty Number 9 va falloir 2015. Ça. Ouais. Ça, c'est sûr, c'est à checker. Là. C'est clair. Et je pense que pas mal de monde va se ruer sur le jeu. C'est pas parce que j'ai donné du cash pour le projet là, qu'il faut le suivre. Je pense que le bon sens même dit qu'il faut suivre le jeu. Il faut suivre Mighty No. 9. Ben oui, c'est clair. Keiji Nifune, c'est déjà en partant. Tu te dis, Chris, ben oui. c'est un truc, là. Juste le nom! Ben oui, c'est clair. En passant, on a Jonathan Gaudreau qui nous jase comme quoi qu'il dit que Xbox One c'est de la merde pour avoir travaillé avec elle quelques mois avant la sortie. Oh my god, puis capable de l'avoir. Ouais. Alors, merci Joe, grâce à toi, tu nous donnes foi de plus en plus à la Xbox One, comme si on y donnait de l'espoir un jour. Comme si on en avait besoin, tu sais. Juste pour vous dire, ceux qui viennent pour la première fois, Xbox One, depuis le premier jour, on l'a ramassé, puis on n'a jamais été capable d'y donner une chance. On est Ben. C'est juste moi qui l'ai donné sa chance. Killer Instinct, man. Je sais, ils ont Killer Instinct, c'est ça qui me fait chier le plus. Payer 500 pièces pour ça? Non. Non. Voilà. J'ai encore ma copie de Super Ninja, correct. Ouais. Moi aussi, je l'ai. Oh my god. J'ai mon fixe si j'en ai besoin. Autre nouvelle. Final Fantasy X-3. Oh. Non! Non! Non! Non! Fuck off. Non! Je comprends même pas comment le 10 ça va être. Non! C'est une rumeur en passant, c'est pas officiel. Mais c'est quoi, c'est Lightning Returns ça? Non, 10. C'est un peu long là. Ah, oh, 10, tu parles? Oui, j'ai pas le 13, je dis 10-3. 10-3? What the fuck? Ouais. Avec les trois. Ça, c'est le. Pour aller avec les trois filles là. C'est ça. Deux avec les trois pour filles. Aller avec la version HD de ces deux là, c'est ça? Ben, c'est parce que le scénariste Kazuji Nojima, la manière que je suis capable de scraper son nom comme Alpha, ben, il laisserait entrevoir qu'il y aurait une deuxième suite au 10e jeu, puis d'ici une demande suffisante, ben, ça se pourrait qu'on puisse continuer dans l'histoire du 10. Moi, là, tout ce que je veux, là, c'est Final Fantasy Chocobo Dungeon 10 000. Faux. Tu veux un Dragon Quest? Aussi. Ouais, c'est. Non, mais pas le MMO de marbre. Tu l'as pas aimé le MMO? Comment je peux l'aimer? Est-ce que j'ai même pas joué encore? J'ai joué au trial japonais où je comprenais pas les crises de mots. Une fois que t'as fait la partie single player, le reste c'est de la bullshit. Là. C'est pas ça que je veux, Dragon Quest. On a une question ici de la part de Jonathan qui nous demande est-ce qu'on est au courant du Kickstarter concernant le board game de Mega Man Classic? Moi, je t'avoue, je suis pas au courant. J'hésite encore par rapport à ce projet-là parce que je sais pas si c'est officiellement autorisé par Capcom ou pas. Parce que il y a souvent des affaires de. Ouais, parce qu'on ne sait même pas s'ils ont eu des droits pour le board game de Megaman. Ouais, ça serait le projet bien vite, puis tous ceux qui auraient mis de l'argent, ils perdraient tout ça. C'est ça. Parce qu'il n'y a aucune garantie que tu vas avoir ton argent. Ils avaient fait ça avec un jeu de Chrono Trigger, maintenant. Ben oui. Ouais, c'est vrai, c'est une suite, puis quand Square ont entendu parler, ils ont dit non, c'est pas ça. C'était un remake de Chrono Trigger qu'ils étaient supposés refaire. Ouais, ils sont fait rentrer dedans, comme tous les autres projets qui violent le droit d'auteur. Ben, il avait fait une demande, mais il avait commencé le jeu avant. Puis quand je sais plus c'est qui, Square Enix, je pense, je me rappelle bien, quand ils ont fait ça, ils ont fait non, vous avez déjà commencé, vous fermez tout ça, bye bye. Ben, l'art de se faire couper l'herbe en dessous du pied. Mais c'est normal. Ben oui, c'est normal. C'est ça, tu veux faire du cash avec une franchise d'une autre personne. T'es dans ton droit le plus ultime de poursuivre ces gens-là. Non, j'ai aucun problème, mais il avait fait quand même la demande. Mais tu sais, c'est les fans, là, il avait découvert ça. Il y avait beaucoup de fans qui attendaient cette affaire-là. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est la loi, c'est la loi. Non, sérieux. On voit ce que fait YouTube présentement aussi. C'est comme si je me mettais à faire des épisodes de testeurs alpha, tu sais, puis je faisais exactement la même crise de vidéo. Tu sais. Avec le bêta en plus. Ouais. Le bêta, ouais, c'est ça. Bon, bêta va slide. Tellement vouloir y aller. Mais là, alpha, comment... par exemple, il faut que tu y montres comment boire du Windex, là, parce que, écoute, ouais. T'es pas mal. Là, il y a avec les cheveux longs. Aussi. Une petite barbe chef. Tu vas avoir besoin d'une perruque. Blonde. Un pinch. On va lâcher un peu les jeux vidéo. On va jaser un petit peu de geekerie générale. Il va y avoir un remake de Starship Troopers. Oh, yeah. Mais on parle d'un remake, on parle pas du premier. Et je sais pas si vous connaissez la version originale de Starship Troopers, faite par Paul Verhoeven. Tu parles le film de StarCraft, je veux dire, ouais. Wow. Ben, cette nouvelle version-là, Starship Troopers, ben, elle va moins se fier à la version de 97, mais elle va plus se fier au roman, donc un film plus sérieux et finalement un petit peu moins cheesy. T'as vu, il y a un roman de ça? Oui, c'est tiré d'un roman. C'est vrai? Oui, c'est un roman des années 60, genre. Quand même, ça manque à ma culture. Mais est-ce qu'ils ont prévu refaire quelques films par rapport à ce qu'ils ont fait ou ils font juste ils vont juste parler de reboot la série? Le 2 puis le 3, c'est de la merde, là, on s'entend. Le 4 là, aussi. Le 1, c'est pas de la merde. Mais le 1 était meilleur. Qu'ils ont vu le 4. Il y a un 4? Il y a un 4 en version animée. J'ai vu la série télé, celle qui passait à Télétoon, elle était vraiment bonne celle-là. Il y a vraiment un 4, c'est-à-dire style comme qu'on fait Final Fantasy Advent Children, là, ce 3D-là. Puis ouf, il pousse un peu loin. Là. Ça s'allait à quoi? Ben, quand j'ai vu le 2 qui était complètement horrible. Puis en passant, Jonathan Gaudreau, excuse-moi, je viens de scraper ton nom de famille. il dit que la franchise est pending, mais ça vient de Just Code Games, qui font plein de trucs de franchise comme Tekken. Fait que c'est sûrement une compagnie qui a ses affaires. D'accord. Fait que, par rapport au board game de Megaman. Hein? Ben, ouais, ça pourrait s'ils ont les droits à la franchise. Là. Mais si c'est une compagnie à peu près qui a déjà fait du stuff un peu avec Tekken, normalement, c'est ceux qui ont dû avoir été chercher les affaires, ils peuvent pas se faire carrer tout de suite. Puis Capcom font constamment, j'en ai besoin d'argent, on en donne 10 000. OK, faites ce que vous voulez. Oh, c'est vrai qu'ils sont prêts à donner la franchise de Mega Man pour la faire violer, faire des toutous, puis des espèces de statues inutiles au lieu de faire un jeu, c'est tellement mieux. Arrête, toi, toutes les acheter, point. On va les acheter, c'est Alpha. Ils vont faire des pictures au lieu. Et bon, deux autres nouvelles par rapport aussi au monde de DC Comics et de Marvel Comics. On a eu un petit tweet de la part du Rock qui dit qu'il va faire partie d'une franchise qu'il pourrait jouer dans le Batman vs Superman. Ah. Non, pas un autre. Non. Johnson. Oui. Dwayne Johnson, ok. Il va faire quoi? Ouais. Ça, je devrais réfléchir. Robin! Oh, que ça serait bizarre! The Rock en Robin! Un Robin est plus grand que Batman. Sure! Ça serait et malade. Et qui serait plus shapé que Batman. Ça pourrait être Nightwing. Ben Affleck. Oh my god. Bat-Affleck. Oh. Bat-Affleck. Mais... faut attendre pareil, il y en a beaucoup qui avaient chialé sur Heath Ledger quand il avait été choisi pour Joker, puis on a tous été... Heath Ledger a fait ses preuves. Ben Affleck a fait ses preuves en tant qu'acteur que pour des drôles de héros, c'était zéro. Ben, moi je lui donne sa chance. Ben, on va voir. Je vais donner la chance pareil à Ben Affleck, parce que je me dis... C'est pas déjà comme que si c'était nous qui décidait là, tu sais. Marie m'a déjà fait un gros cadeau en plus de Noël, édition très limitée que mettons que j'ai comme pas le choix d'aller voir le prochain là. Ça viendrait. Comment ça? Comment ça? Marie, je te laisse expliquer mon cadeau de Noël que tu m'as donné. Pendant ce temps-là, va donc chercher pour que les gens en vidéo puissent le voir. En fait, j'ai donné une version collector de l'homme d'acier. Ouh. Qui est faite qu'à 10 000 copies, excusez-moi, pardon, au monde. Ben là, montez comme faut. Non, comme ça. Donc là, tu es à dire que là, Ben a reçu comme cadeau Man of Steel en version limitée sur DVD. DVD, Blu-ray, Blu-ray de 3D, tout ça. Mais checker le coffret, il est vraiment écœurant, là. Il vient avec épique. Il est vraiment épique, là. Wow. Il est vraiment, puis il y a vraiment du stock dedans. Il est encore emballé? Oui. Oui! Tu penses que tu vas déballer ça? Moi, je le déballerai pas. Il veut pas le déballer. Moi, je le déballerai pas. Pourquoi? Tu le ramèneras pas, là, plus tard, dans 50 ans, quand tu vas mourir. Tu ramèneras pas ça avec toi, là? Non, mais ça va peut-être financer les études de mes enfants. Ça? Tu sais, la plupart du monde me connaît, c'est assez, j'écoute pas mal, comment ça s'appelle, la série... Courage Wars. Non. Tu sais qui passe à Canal D, la guerre des enchères. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui, les enchères, hein. Tu sais, ils font les enchères, puis ils vont pogner des affaires dégueulasses. Mais des fois, ils pognent des affaires, puis c'est comme, ah, ça valait 20$ à l'époque, ça vaut 2000$ à cette heure. Fait que tu sais, moi, je suis comme, ok, c'est jamais, je vais peut-être garder ça, puis un jour, ben, regarde, mon gars, il va se payer un char avec ça. Souvent, ils pognent des figurines emballées, puis on a payé ça 700$, on dit figurines. Donc, regarde, mais ça rien. Alors, c'est 3000, 4000 des fois, c'est comme quoi? Les fous! Mais tu sais, moi, ce qui est de cette série-là, juste une petite parenthèse, ce que je comprends pas, c'est que le monde qui abandonne ces causes-là, ils savent qu'il y a ça là-dedans, ils peuvent pas les payer après ça. Après ça. Mais non, c'est pour eux autres. Parce que mettons, t'as fait des paiements, le gouvernement envoie un huissier, il vient saisir chez vous des items de valeur. Tant que tu repayes pas, l'item reste dans le locker. Puis après ça, ben après X nombre de temps, le locker a une propriété, admettons, whatever, des États-Unis ou de l'État. Puis après ça, il le revente pour une valeur X qui est le prix, dans le fond, qui mise sur le locker. OK, en tant que cas, ça peut être du stock saisi, finalement. Majoritairement, ça va être ça, mais c'est pas toujours le cas. Ben, c'est ça vient qu'un gars mette toutes ses affaires, ses figurines, puis que, je vais jamais le chercher. Ça se pourrait. Si tu vas louer un locker, tu as un contrat de location de locker. Si tu ne payes pas dans un certain délai, c'est marqué que tout le contenu devient la propriété de la compagnie en tant que telle. Oui, c'est aussi, ouais. C'est ça. Mais pour ce qui est des faillites, c'est des ventes aux enchères qui ont lieu au Québec. Parce que je travaille là-dedans, je suis un peu plus au courant, là. Mais c'est des ventes aux enchères qui ont lieu. Puis, finalement, lorsque vous recevez votre journal local chez vous, vous avez souvent des avis de vente aux enchères. Ben c'est ça qui arrive. C'est les ventes de faillite que vous allez trouver là-dedans. Fait que, mettons, vous savez que, OK, mardi, 10h, vous allez à tel appartement, il y a une vente aux enchères qui ont lieu. Fait que vous vous rendez sur place, puis ben, le huissier, lui, va mettre à vendre le stock. OK. C'est des fois des affaires qu'ils trouvent là-dedans, c'est fou, là. Ah oui! C'est ça qu'ils nous montrent, là, parce que pour la quantité qu'ils trouvent, qu'ils nous montrent pas. Ben, ils ont parlé à un moment donné, c'était une sorte de petite affaire spéciale, puis ils parlaient que sa plus grosse vente qu'il avait trouvée, il avait acheté, c'était des ventes à l'aveugle. Il y avait le cœur, puis il était dessus, il a trouvé la 10e collection au monde de bandes dessinées, il y en avait plus de 150 000 dedans. Wow! 1 500 000 qui a vendu ça. OK, tu sais, le gars, il a quand même abandonné ça, tu sais. Il y a plein de raisons, peut-être que monsieur est décédé, il y a un paquet de trucs derrière. C'est ça, tu sais. Ouais, exact. Mais t'sais, tu c'est fou. Alors, moi, clairement, quand je finis de regarder une émission de même, je suis comme, si je devrais faire ça dans ma vie. Ils n'ont pas des fois le nombre d'argent qu'ils peuvent perdre des fois. Là. C'est parce que les autres, effectivement. Mais les autres, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils arrivent avec à peu près 20 000 dans le poche. Là. Fait que, elle est intéressante, mais personne n'a de la chance de l'avoir. Là. Mais dis-toi qu'aussi, ils se font également payer par la production aussi. Là. Ben, c'est 15 000 par émission. Oui, il y a ça, mais c'est qu'aussi ceux qui bident le plus, là, puis qui. Ils sont capables de tout écouler le stock parce qu'ils ont chacun des magasins, genre, en général, chez eux. Ouais, mais c'est une grosse game, faut que tu connais ça, puis. Exactement. Pas n'importe quoi. Puis même quand tu connais ça, tu peux faire faillite. La preuve sur Storage Wars, Dave, lui, il a fait faillite 3 fois. C'est lui, c'est un des plus forts aussi. Là. Je ne savais pas qu'il avait fait faillite. Quand il s'est fait faillite la dernière fois, là, il a accusé le show d'avoir manigancé pour que. Il a fait faillite pendant le show. T'es-tu sérieux? Ah, ouais. Oui, c'est ça qui est plus du show. Le yup! Colin, tu m'en avais une bonne. Moi aussi, j'étais pas au courant, ça. C'est pas rose, le monde du Storage Wars, oublie ça. Vraiment que. tu joues ta game comme full. Ça doit être dur. Pourtant, il en sortait. Ben, c'est sûr qu'ils montent sûrement pas toutes, mais il en sortait quand même des popées, les belles, souvent. Là. Souvent qu'il faisait de l'argent. C'est pas un background ce qu'il fait avec son magasin. Mais je sais qu'à un moment donné, je pense que c'est deuxième saison, mais en tout cas en français, parce que moi je l'écoute en français, mais tu te rends compte à un moment donné qu'il est passé d'un magasin à un petit entrepôt de rien, de... Il s'était passé quoi entre les deux saisons, puis finalement il s'est ramassé dans un petit local, il cherchait un autre local pour louer. Ouais, puis il avait congé tes employés, tout le kit. De toute façon, c'était pas lui mon préféré, c'était le vieux. Ah oui, clairement le vieux, là. Lui qui arrive avec un char toujours différent à chaque fois, le char que je sais pas combien il vaut à chaque fois, que lui, il va voir quelqu'un, des fois, il donnait même du stock, ça ne dérangeait pas. Mais tu vois, lui, il est pas bon. Mais tu sais, il est juste drôle, il fait chaud. À un moment donné, pendant une saison, il a dit, je suis obligé de m'en faire de l'argent, faut que j'arrête, là. Il fait pas d'argent, mais clairement, il est déjà ultra riche, le gars, pis c'est un... C'est un vieux qui sent un Chris, là, regarde nos pires. Il est juste là pour rire, pis c'est vraiment très mal, là. Avec des contacts partout. Ben ouais, c'est malade. Non, moi, c'est le couple que j'aime. Ah oui, c'est pas tout le temps. J'adore à chaque fois que j'en... Le gars, il achète de quoi, ça me... C'est qu'elle me tape ses nerfs, elle. Elle a tout le temps l'air bête, elle est jamais de bonne humeur. Mais, hein. Son chum, il met sur un des lockers. Non, fallait pas que tu fasses ça! Hey, bitch, un peu, mais... Il manquait bien un boulot à part, puis là... En émission, elle avait fait un bon coup, le gars voulait rien savoir, il a dit « Ok, arrange-toi, je t'écœuré, arrange-toi. » Elle a acheté un locker qui avait 4 trous dedans. Ouais, je me souviens de ça. Ben, dans les dents. Parce qu'on fait comme 15 000 avec ça, tu sais. Tellement. 10 000. Ce que tu vois à la télé, c'est pas tout le temps eux pour de vrai. Oui, c'est eux, mais c'est une caricature un peu d'eux. Ils ont chacun un personnage. Avec un montage aussi. Il faut prendre conscience qu'il y a du montage en tabarouette là-dedans. Là. Exactement. Oui, ça, c'est juste pas se fier à chaque fois, même si c'est des affaires. Je suis convaincu que des fois, il y a des, pas des crosses, mais des lockers qui sont pas vraiment achetés ou whatever. C'est la prod qui l'achète parce que le gars, il peut pas. Parce qu'il y en a qui pensent vraiment qu'il y a des petites capsules qu'il y a en chaque, là, genre c'est pendant qu'ils sont en train de bider qu'ils font ça. Ben non, c'est moins de mal à un cerveau, je vous l'ai dit, c'est après. Plus de cash dans le tas, ça, qui en fait tout le temps, c'est celui qui mène l'enchère. Là, ce... Lui, à un moment donné, c'était sa femme qui l'avait remplacé, puis il disait que le pourcentage qu'il prenait par bit, c'est à peu près, je pense, 30%. C'est beaucoup, là. Beaucoup, oui. Il y a des unités, des voix qui partent à 10 000 en montant, là. Oui, c'est beaucoup. Ouais. Il y a 10 000, fait 30% de 10 000. Là. C'est direct dans ses poches. C'est le mec qui paye sa journée. Hein. Ouais. Il est mandaté pour vendre ça. C'est comme le chef, un peu, si tu veux. De... Il n'y a pas rapport avec la compagnie de locker. C'est lui qui arrive, puis c'est lui qui a une entreprise qui achète tout, puis lui, il revend dans le fond. Fait que si ça ne se vend pas, il est dans la merde. C'est le même, hein? Ouais, ça se vend. Appelé, puis il prend un pourcentage, puis le reste est donné à la compagnie, je pense. Oui, c'est ça. Parce que moi, les ventes aux enchères que j'ai vues, c'est la compagnie ou whatever qui reprend. Okay. Après, c'est quelqu'un qui est mandaté pour revendre, ou sinon, il est responsable un peu de ce qui reste. Ça devient une perte pour la banque ou whatever, ou la compagnie qui reprend, puis que lui, il est payé un peu pour faire ça. Ça peut dépendre des places aussi. C'est parce que c'est toujours le même gars qui va à la même place, j'ai vraiment l'impression aussi qu'il est peut-être carrément payé par la production aussi, puis lui, pas un pourcentage rendu là, fait que, il est là pour faire le show. Ben ça, ben, c'est devenu un personnage de show, fait qu'il doit suivre juste ses ventes aux enchères. Ben, je pense que c'est ça, parce qu'à un moment donné, on voyait dans le show que Dave Astor, il a comme dit, ah, on va voir d'autres ventes aux enchères, puis finalement, il montrait qu'est-ce qu'il avait fait lui, mais il a pas montré l'enchère que lui, il était allé tout seul, tu sais. Ben, il avait pas les droits pour ça, là. Non, là, pourquoi on a commencé à parler de ça? Parce qu'on s'est parlé de 30 000 choses, sauf le sujet principal. On n'était pas quand même là, on relaxe. J'étais comme, me semble, c'est pas des nouvelles. Non, mais c'est... Non plus dans... Ben le style collecteur à garder ah enfants. Oui, oui, et tabarnouche. Okay. Mais c'est on cool. On est hot, hein? Non, mais on a fait découvrir un show. Veux pas, c'est peut-être pas tout le monde qui va sur Canal D et qui écoute ce show-là. Canal D, je pense, ça. Y a-t-il une version québécoise? Excuse-moi, JP. Y a-t-il une version québécoise? Je sais pas. Y a pas quelque chose qui va le faire, mais c'est comme plus cheap, là. Oui, oui, mais c'est... C'est quoi, ça serait Rémi-Girard, puis ça serait des affaires de juge. Non, il y en a une, c'est... C'est Michel Côté, puis Rémi-Girard en train de bider, là, c'est arrête. Non. Mais oui, au Québec, c'est pas mal juste ça. Ouais, qui tu mettrais comme le fan de Rémi Girard là, avec ça, là? Hein? Faut qu'il fasse le couple, là. Tu mets un truc, là, machin. Je sais qu'il y en a une, un peu de ce style-là, mais c'est des antiquités. La guerre des... je pense que c'est Accro des Encans. La guerre des Encans. Non. Non, Accro... Fou les Encans. En affaire, non, même, je sais ce que ça passait. Il passait aussi ça à Canal D. Mais en passant, mais pas Rémi Girard, mais Paul Hood et sa femme Lison, même Bison, là, dans les mêmes. Non, tu mets la petite vie et les enchères ensemble. Mais là, maintenant, je dois-tu voter, là? Je sais pas, moi. Moi, j'ai Paul Hood dans la tête, là. Paul Hood, oui, ça fitrait. Paul Hood, ça serait le show, ça serait le Barry White. C'est exactement ça, là. Faut trouver un rapport avec quelqu'un, là. Shirley. Il avait un gros close à sa voix. Dernière nouvelle par rapport à un autre film. Ouais. On va rembarquer notre sujet. Et dernière nouvelle par rapport à Ant-Man, on a découvert c'est qui allait le faire. Qui ça? Hein? Ant-Man, le prochain film de Marvel Studio. Ant-Man? L'homme fourmi. Ant-Man. Ah oh, oui, hey, Ant-Man. Moi, je replace. L'homme fourmi sera Rod. Hein? Bon, totalement nowhere. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de prendre Paul Rudd. Ceux qui connaissent pas Paul Rudd, il jouait dans Anchorman. Il jouait aussi dans Les mauvais garçons avec comment il s'appelle. Il jouait dans American Pie. J'ai Jason Biggs, mais c'est pas lui. Il joue dans Goon. Stifler, là? Ouais, Stifler. Okay. Quoi? Non, c'est pas Stifler, mais c'est le gars qui jouait avec Stifler dans Les mauvais garçons. C'est parce qu'il fait pas tant de films que ça. Ben, c'est tant mieux. C'est plus un acteur comique, ce gars-là. C'est pas un acteur, mettons, sérieux comme les autres, tu sais, comme Chris Hemsworth ou Chris Evans. Ça sera aussi. Il va rajouter aux Avengers, les autres? Lui, il va le rajouter aux Avengers, lui. Ben, lui, il va être probablement dans Avengers 2, vu qu'il joue dans un film de Marvel, ça. OK. Non, ben, il fait partie des Avengers, mais... Oui, dans les BD, il fait partie d'Avengers. Il fait partie des Avengers. C'est le personnage qui peut grandir puis rapetisser à volonté. Ouais, c'est ça. Puis qui se fait quand même donner une volée par le Hulk, même s'il mesure... Oui, mais c'est vrai, il aurait une torche, là, c'est Hulk, là. C'est Hulk. J'ai même pas besoin de dire d'autre chose, c'est Hulk. C'est Hulk. Alors, là-dessus, c'était les nouvelles pour cette semaine. On va aller voir notre monde qui vient nous jaser sur YouTube. On a quelques questions. Alors, on a Link Mercier qui nous demande, y aura-t-il des événements au Québec où on pourra rencontrer nos idoles testeurs? Bien sûr. Je te laisse répondre, Marie. Fin janvier, on va être au G-Animé à Gatineau. D'ailleurs, c'est la fin de semaine du 25-26 janvier. Exactement. Et il y en a une nouvelle en rapport à ça. Est-ce que Big Ben, je laisse donner la nouvelle en rapport au G-Animé? Bien sûr. C'est celle que je pense. Alors, les accros de jeux feront un podcast live au G-Anime, dans une salle X et à une heure X que j'attends encore que notre cher Luc Biron me donne. Mais on devrait faire un podcast live directement au G-Anime. Alors, si vous venez au G-Anime, ben fouillez dans l'horaire parce qu'on va être là. Donc, vous allez pouvoir venir nous rencontrer, nous demander de jaser d'un jeu X en particulier ou même donner une poignée de main. Même un autographe. J'attends. Ou venir danser dans ma vidéo de danse où j'ai animé. Ça, par exemple. Il faut que vous le fassiez. Ça n'a pas de sens. Il faut que je fasse une tradition de ça. Faut que Testeur le fasse. Moi, je vais voir Testeur puis Beta en faire un. Ils en ont fait un au Comic-Con. Ouais, c'est déjà fait. Ben ouais. Ah, oh, OK. Oh. Mais attends une seconde. Moi, la personne que je veux, c'est Luduc dans ma vidéo. Je veux qu'il danse dans ma vidéo. On va te faire danser, Luduc. C'est sûr qu'il est willing. Oui, c'est clair, il va être parfait. Lui, c'est embarquant. Ben, au pire, Marie, tu vas peut-être pouvoir l'acheter à l'enchère des célibataires puis le faire danser. Non. Bon, on peut-tu en parler de ça d'ailleurs? C'est quoi? C'est... Moi, je la connais pas. C'est quoi l'enchère des célibataires? Non plus, je ne connais pas. C'est le duc qui va animer ça, je pense, c'est le samedi dans la journée. L'enchère des célibataires. Il est fait à 11h. Ouais. Et ce qui va arriver, c'est que vous allez pouvoir... il va y avoir du monde célibataire qui vont être sur le stage et vous allez pouvoir mettre un enchère. Il va y avoir un enchère des célibataires. Donc, vous pouvez donner, mettons, 5$, 10$. Et tous les profits vont à Lac Mégantic pour la fondation du Lac Mégantic. Donc, ouais, c'est ça. Il est censé être ton esclave pour une journée. Eh hey boy! C'est mon lifestyle. Est-ce qu'Alpha, tu fais partie de l'enchère, toi? Non, on m'en a pas parlé. Non. Mais je suis pas célibataire de toute façon. Ouais, c'est ça, tu es célibataire. Ouais. Probablement que je scraperais leur concept. Moi, il faudrait que j'enlève ma bague. Moi, c'est ouais. Moi, ce que je rêverais de voir, c'est le gars se pointe là, arrive là, personne n'est sur lui. Fait que là, tu te sens. À moins que tu fasses comme personne en arrière, je donne une pièce. Adjugé, mais tu les ramasses toutes à une pièce, ceux qui t'ont épilé, tu te promènes avec, puis tu les envoies travailler à ton compte, gars. C'est là le Warcraft à 80. C'est en plein, ça. Fait que, adjugez-vous à l'enchère. Je pense que c'est comme genre, tu vas passer une souris avec ou à la barre, là. Bon. C'est ça qu'ils font d'habitude. Ça, j'avoue, j'en connais pas, j'en ai pas fait d'enchères de célibataire. Non, j'en ai déjà vu, mais j'en ai pas fait. Là. Alors? Moi, ouais. Hein? Ouais, toi. Jolie couverture. J'ai besoin de ça, moi, gars, ça fait 8 ans que je suis avec la même personne. Pas besoin de ça. Blanc-Levant, t'as fait ça, hein? Blanc-Levant? Le 9 ans, non. Le 9 ans, je faisais d'autres choses qui pas, on peut pas parler dans un podcast. Mike Diamond nous demande si on a reçu la bêta invitation pour Elder Scrolls Online. Yep. J'ai appliqué, mais je l'ai pas reçu. Oh. Ça, j'avais entendu dire qu'il serait payant un peu comme à la War pour y jouer. Elder Scrolls Online, oui. Ben, il était pas sorti, supposé sortir sur Xbox Live, ça? Aussi? J'ai entendu parler de ça. Non, je pense que ça va être seulement PC, je crois. J'ai vu que c'était un MMO, là. Ouais, il y a des MMO sur console aussi. Ouais, mais... C'est ce que j'ai entendu parler qui était supposé aussi sur là-dessus. Fait que ça se peut. Je t'avoue que moi, un MMO, pour moi, c'est un ordi, là. Ben, j'ai pensé que je vais jouer avec une console, là. Mais ça, c'est personnel pour moi, là. MMO iPhone, man. Ça existe, ça existe. Eh oui, c'est World of Warcraft en plus. Chaos and ouais, truc machin là. Chaos and Chaos. Chris, ça ressemble à World of Warcraft. God, je connais rien. Ça ressemble à ça aussi. Ouais, vraiment, le simplifier avec les boutons là, assez pour le fun, c'était gratuit, je pense un mot. C'est comme une pièce. Mais... Moi, tu restes pas vraiment moi, mais bon. Moi, faudrait que je rejoue à WoW, mais. Je me retiens, j'ai beaucoup trop de jeux à jouer. Ouais, de toute façon, moi, je joue à des jeux qu'il faut payer par mois. J'ai toujours eu bien de la misère, moi. Non, pas moi. Le trip, c'était de quand je jouais à WoW, c'était surtout de raider. Puis il n'y a pas d'autres jeux qui me donnent la satisfaction de faire un raid que. Wow. C'est wow. Ouais, c'est bien. Attends, man, moi je raid là, pis on a toujours besoin de monde. Toujours besoin mais de monde. Mais faut savoir jouer. T'inquiète, je l'ai fait. J'en ai fait des donjons il y a longtemps, mais je vais être dû pour me remettre dedans. Tu vas être un noob, pis là tu vas te faire trasher par testeur. C'est pas un noob! Il est! T'es pas mon Ben! T'es un noob! T'es qu'un noob! et je vais faire mon sparadrap de moi-même. Veux-tu rentrer dans mes guildes? Ouais, tu vas te poser la question tous les 3 secondes. Ouais, bien, Miguel. Oh, fuck you! Et pour sinon, Link, la plupart du temps, les grosses conventions à Montréal, normalement le Comic-Con ou le Takuton, soit on fait un tour ou ben, tout simplement on a vraiment une table là-bas. On va te donner des nouvelles probablement au courant de l'année pour les conventions. D'habitude, on en fait au moins 2-3 minimalement, soit en visite ou avec une table officielle. Ben, les deux qu'on peut confirmer, c'est le G-Anime qui a lieu fin janvier, puis Comic-Con... En septembre. Ouais, Comic-Con, c'est pas mal annuel. Oui, ouais, c'est ça. Mais... j'ai payé pour une table. Là, c'est fait ça, c'est confirmé, on va être là. Oui. Toi aussi, tu vas être présent avec ta table, hein? Moi, j'ai pas reçu la confirmation encore. J'attends, fait que... On attend des nouvelles, mais de toute façon, s'il y a quoi que ce soit, Alpha au pays, il sera à ma table. Ben, alors, c'est ça. Ben oui. Sinon, je vais aller voir les autres questions rapidement. Excusez-moi. Okay. En passant, si vous êtes en train de nous regarder live, les liens de nos chaînes sont dans la description du message. Une très bonne idée de la part de Mike Diamond. Merci beaucoup. On a mis le lien sur les autres channels YouTube directement en dessous de la vidéo. Alors, je pense que c'est à peu près tout. Alors, on va embarquer dans le sujet du jour, qui est nos attentes 2014. Veux pas, on commence une nouvelle année. L'année 2014 risque d'être forte en sortie de jeux, films et séries télé et tout ça. Alors, j'ai décidé de demander ça aux accros aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et pour commencer, je vais y aller avec mon arcade rétro, mon spécialiste d'arcade et de trucs vidéovisuels. Qu'est-ce que tu attends en 2014, mon cher ami? Tu sais quoi, j'attends vraiment les heists dans GTA Online. Je sais que j'en parle beaucoup, c'est parce que c'est mes franchises préférées. Puis je m'attendais à ce que ça soit là plus tôt dans le jeu, mais là, avec les lancements des nouvelles consoles, je comprends qu'aussi ils ont tout repoussé pour 2014. Mais je m'attends vraiment à ça, à jouer online. Mais malheureusement, le jeu était un petit peu scrappé à cause de toute la fausse argent. Dégueulasse, toutes les hacks qui sortent, les hacks qui se retrouvent online, mais c'est quand même quelque chose que j'attends beaucoup. Puis le jeu, je sais pas si c'est en 2014, c'est quoi le jeu qu'on a vu, mais là, il y a eu dernièrement sur leur Twitter, ils ont annoncé que leur bureau il a été inondé. Ils l'ont annoncé à. Peut-être le nom avant moi, là. Ils montrent un vaisseau sur une planète, les planètes sont générées de manière vraiment unique, puis tu peux prendre le vaisseau puis vraiment flyer dans l'espace, puis les combats galactiques. Là. Faudrait que je recherche le nom. Ça dit quelque chose? Pas vraiment, je dois t'avouer. Non? OK, il va falloir que je check ça. Je sais que c'est un jeu, c'était vraiment surprenant ce qu'ils ont montré, mais leur bureau, dans le temps des fêtes, a été inondé comme une rivière à côté de leur bureau, là, whatever, puis la rivière est rentrée dans leur bureau, puis a tout pété leur ordi, fait que c'est un petit peu delay. Mais... ouais, mais ça... Puis, non, à date, c'est ça qui me vient en tête. Écoute, il y a une tonne de jeux aussi, mais principalement, là, à court terme, là, c'est pas mal ça. OK, puis t'as pas de série télé, film, est-ce que t'attends quelque chose? J'ai fini d'écouter I'll Met Your Mother, que j'avais pas écouté un épisode. Je me suis tapé les 8 saisons dans les dernières semaines, back-to-back. Qui, là, dans le fond, est la 8e saison-là. Et apparemment, ils vont faire I'll Met Your Father, qui devrait être le spin-off un peu de la mère, qui explique aux enfants comment il a rencontré le père. Quoi d'autre? Non, Breaking Bad, c'est fini. Non, tu vois, c'est pas mal ça, parce qu'à la télé, j'ai juste Netflix, j'ai pas de câble. Fait que je me base sur ce qui est pitché sur Netflix, vraiment. Mais cinéma ou sinon, bon, Star Wars, c'est pas cette année. Hein, fait que... Non, ça va être prochaine. Je pense. Ben, mettons, ça a été cette année, ça a été pas mal intéressant. Mais télé, non, parce que j'ai pas autant de temps que je voudrais pour en consommer. Je travaille beaucoup, fait que c'est pas mal. Je te dirais que c'est pas mal ça, le jeu. J'ai entendu Final Fantasy VI, il y avait un remake déjà au système iOS qui était sorti au Japon. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Avec, c'est pas les graphiques 3D, c'est les graphiques 2D pixelisés, mais avec une meilleure résolution. Ah, c'est pour, ouais, il est sur tablette. Ouais, mais il est sorti, c'est juste en japonais. Ouais, il est sorti, puis c'est pour... Final Fantasy VI? Ouais, il est sorti. Au Japon, il est sorti. Ok, pourtant, ok, je vais jeter un coup d'œil. Ben, je pense. Merci, parce que j'ai vu sur iOS et etc., là, parce que Square Enix ont bandé mobile, en tout cas, pas l'erreur. Ouais. Ça m'a l'air de penser, ouais, de relancer tous leurs jeux qu'ils avaient déjà dans la librairie. Mais non, je te dirais que c'est pas mal ça. Ce que j'aimerais, c'est d'avoir du temps pour jouer à ça. Mais on voudrait tout ça. J'aimerais la version, tu vois, tantôt tu parlais des ventes qu'il y avait eu sur Steam, j'avais donné le 30$ pour pouvoir jouer au stand-alone de Daisy, mais tu sais, c'est même pas un 30$ que tu joues au jeu, dans le fond, c'est que t'as accès à une version alpha. Fait que tu sais, même pas, les gars peuvent continuer à le garder en version alpha puis bêta super longtemps, mais le jeu a l'air vraiment bon, j'attends juste qu'il soit un petit peu plus jouable. Tu sais, si mon ordi est un petit peu compliqué ou glitchy. Fait que j'aimerais vraiment qu'avec différentes patchs qui vont sortir, de pouvoir plus profiter du jeu. C'est vraiment unique, disons. Ben, ça vaut la peine parce que moi, justement, sur le. Moi, j'ai Arma 3 qui est le moteur principal de DZ. En version alpha. Puis c'est le fun de voir comment le jeu se développe tranquillement. Puis d'y jouer. Puis de l'avoir aussi moins cher vu que c'est la version alpha. Toi, Shadow, de ton côté, qu'est-ce que tu attends en 2013? Ce que j'attends de voir, c'est. 2014, la Steambox. La Steambox. Excusez-moi l'habitude, hein, c'est comme ces formulaires en ce moment, j'écris encore 2013. C'est la Steambox que moi j'attends de voir, qu'est-ce que ça va donner. J'ai vu les 15 modèles qui ont sorti, là. Non, les 13 modèles. Ouais, j'ai vu à peu près n'importe quel boîte. J'ai eu des petites infos par-ci par-ça, j'ai pas encore fait vraiment de recherche. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, puis surtout de la façon que ça m'avait entendu parler, que on sera pas obligé, tout le monde va pouvoir avoir sa petite... Parce qu'il faut être plugé aussi sur un ordi, de la façon que j'avais compris, que ça a de base, mais peu importe, un portable, quelqu'un qui n'a pas un ordi puissant, pas besoin de payer une affaire à 2000-3000$ pour pouvoir jouer à tous les jeux, la box va servir à ça, pour pouvoir jouer aussi style console. Ça, c'est une affaire que moi, j'entends vraiment beaucoup. Vu que moi, surtout que je marche avec Steam pour mes jeux d'ordi, mes affaires de même, je trouve ça vaut vraiment la peine parce que c'est une petite affaire qui manque sur console. Steam nous offre des rabais sur certains jeux, c'est fou. Ça vaut vraiment la peine que là, si on peut l'avoir sur une petite console comme ça, à part, ça ferait mon bonheur. Et côté film, série télé, est-ce que tu as quelque chose que tu attends? Série télé, Game of Thrones saison 4. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Film, j'ai pas vraiment de grosses attentes. Ben, il est mort. Ben, il est mort, ça, c'est sûr. Je peux te garantir qu'il va y avoir des morts. C'est toujours une affaire que j'ai toujours aimé là-dedans. Les personnages principaux peuvent crever aussi, fait que tu sais jamais ce qui arrive. T'aimes les morts. Hein? T'aimes les morts. Pas vraiment. Cadavre. côté film, j'ai. Moi, je vais voir ce qui sort. C'est sûr qu'il y a Avengers 2 que j'attends. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Non, pas cette année. Age of Ultron, c'est l'an prochain. Pas vrai. Ben, c'est ça. Il y a surtout ça. Il y a le film de Captain America, le 2 aussi. Oui, ça, j'avoue que j'attends un petit peu. Ouais, j'avoue, hein. Que lui m'intéresse. Puis sinon, pas, j'ai pas vraiment d'attente de ces films. On va voir ce qui va sortir. OK. Antithèse, oui, t'as fait une vidéo de 12 minutes par rapport à tes 10 attentes, mais ouais. Est-ce que t'aurais fait un oubli à quelque part que t'aurais voulu rajouter? Je peux pas vraiment faire d'oubli, si tu considères que si tu vas même encore un peu plus loin, soit c'est de l'an passé, j'attendais avec beaucoup d'anticipation et je n'étais pas le seul pour Castlevania Lord of Shadow 2. Vous vous rappelez, il était supposé sortir en 2013, puis il va sortir je pense en février ou en mars, John? Je pense que c'est en mars. En mars, hein, le 25 mars, ça. Ouais. Puis là, il sort officiellement, moi qui s'en change encore, mais c'est pas partout pour ça, le 25 mars. Fait que je peux pas vraiment nommer, c'est un peu une règle pour mon concept des attentes. Je peux pas nommer un jeu qui a été délayé puis que j'avais nommé précédemment dans une autre décompte parce que c'est... Je constate ça comme étant un petit peu triché. Mais vu que tu poses la question, effectivement, Lord of Shadows 2, c'est côté jeu vidéo, c'est le jeu auquel j'ai bien hâte d'y jouer, de mettre ma main dessus. On m'a également fait mention de Persona 5. Ben, c'est vrai que Persona 5 sort cette année. Pas selon mes ressources. J'ai jamais joué à un Persona, je dois t'avouer, fait que... D'après mes amis qui est bien fan, c'est pas avant début 2015, je pense. Il aura vendu. Ah, c'est ça. Mm. C'est ce que je te disais. Sinon, ben, à part ce qui se passait dans mon top 10, c'est vraiment Castlevania Lords of Shadow 2 que j'ai vraiment, mais vraiment hâte de jouer. Côté film, c'est n'importe quoi super héros de Marvel, avec Marvel. Insidious 2 peut-être, mais avant de voir Insidious 2, il faudrait peut-être que je regarde, que je check Insidious 1. Je sais pas ce que tu en penses. Je l'ai pas vu. Moi, je l'ai vu. Ce que j'ai compris, le 2, c'est une suite directe, là, vraiment directe. Bon, fait que, voilà, ça confirme ce que je dis. Puis bon, moi, je suis plus un gars de cartoon, tu sais, Family Guy, American Dad, cette affaire-là. Ah. Fait que, tu sais, quand j'ai mis en première position que j'avais hâte, que c'est la chose dont j'ai le plus hâte de voir en 2014, c'est l'épisode de Simpsons Guy. Écoutez, je vous avouerai aussi que j'ai mis un petit peu mes attentes un peu basses. Donc, j'essaie de pas me faire aucune idée. Ni de m'informer sur quoi que ce soit plus que ça va se passer, parce que ça ne t'attend pas non plus d'embarquer dans « Oh, il va arriver ça », puis finalement, tu regardes l'épisode de Simpsons Guy, puis c'est plate. J'avoue que quand même, j'ai très hâte de voir, mais je me dis qu'en une demi-heure, ils ne pourront pas faire grand-chose. Ils vont faire une petite histoire trop rapide. On ne sait pas. J'ai bien l'impression qu'ils vont faire une heure, parce que sinon, ça serait de gâcher une heure. Pas confirmé, mais c'est dans leur intérêt, ils le savent. Ben oui. Sinon, c'est pas comme le 500e. Tiens, faut pas qu'ils fassent comme le 500e épisode des Simpsons qui durait 22 minutes, puis que t'avais l'impression qu'il y avait un vide à la fin parce qu'il manquait trop d'histoire, là. Non, dans l'épisode en ancien, c'était inutile, c'était ça le gag, quand tu penses. Et c'est là qu'il y avait aussi que l'épisode était quand même drôle. Ouais. Je vais aller du côté de juste un gamer. Donc, tes attentes en 2014? Mes attentes en 2014 sont principalement dirigées vers Nintendo. J'espère que dans le courant d'année, ils vont nous annoncer des gros titres pour la Wii U. J'espère que durant le 3, le direct, ça va être Zelda qu'ils vont vous montrer. Le nouveau Zelda. J'espère qu'ils vont nous annoncer un deuxième Zelda pour 3DS qui va ressembler à Link Between Worlds. Puis, j'attends aussi ce qu'ils nous annoncent un nouveau Paper Mario. Ça serait trop cool. OK, ça prend ça absolument. Puis, j'espère que le nouveau Smash Bros. Va être à la hauteur, surtout avec Mega Man dedans, parce que ça va être le premier que je vais acheter juste à cause de ça. Fait qu'ils sont mieux d'avoir fait ça comme il faut. T'as même pas Super Smash Brothers Brawl? Ouais, je l'ai, mais j'ai jamais joué. Je l'ai parce qu'il est en spécial. Il avait un trou dans sa bibliothèque. Puis ouais, il est 15$, il est dans le bin mal prendre. Mais là, moi, je l'ai acheté pour que tu me pètes la gueule, que je te pète la gueule en ligne. C'est sûr. Pas besoin d'un jeu pour te péter la gueule, antithèse. Damn! Mais c'est ça, je m'attends aussi à avoir plus d'informations sur les Steam Machines. J'ai aimé certains designs, particulièrement ce qu'ils ont montré au CES récemment de Cyber Power PC. Ouais. Qui à mon avis ressemble au design que je m'attendais que Xbox One allait avoir. Il est beaucoup beau. Puis au même prix qu'une Xbox One, puis more powerful. Je m'attends beaucoup. Ben, toi, tu serais prêt à remplacer ton portable Alienware pour ça? Mon Alienware, il date de 3 ans. C'est sûr, je suis prêt à la remplacer. Fais-le. Et on Big Ben. Non, ça joue avec la tête. Je ne game même pas avec. Il sert juste pour ramasser du data quand je fais mes gameplays. Il est même pas puissant que mon ordi. Fuck off, là. Marie-Lune, de ton côté? Je vais vous décevoir un peu côté jeux vidéo. J'ai pas beaucoup d'attentes pour vous dire que, bon, j'ai beaucoup de jeux que j'ai achetés et que j'ai pas encore joué. Donc, en 2014, ça risque d'être plus des jeux que j'ai déjà, que je vais jouer. Mais, malgré tout, il y a deux petits jeux de 3DS qui m'intéressent, que j'espère qu'ils vont être bons. Il y a le nouveau Yoshi's New Island qui va sortir en 2014. pour la 3DS que j'ai hâte de voir. Je sens que ma blonde va être contente, celle-là. Et j'en connais une couple qui va être contente. Sinon, il y a le nouveau Kirby aussi que j'ai hâte de voir. Oui! Oui, Kirby! Oui, un nouveau Kirby. Mais à part de ça, côté jeu vidéo comme tel, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, c'est côté film et littérature que j'ai hâte. Ah! Ouais, parce que il y a plusieurs d'entre vous, qui, si vous avez lu la trilogie, la trilogie de Divergence, vous savez que le film Divergence sort en mars. Et que j'ai vraiment hâte, mais vraiment hâte que ça sorte. Sérieusement, ça risque d'être très bon. La fille qui joue le personnage principal, c'est une nouvelle arrivée. C'est son premier grand rôle. J'ai hâte de voir comment elle va jouer le personnage. Fait que c'est une grande, grande attente pour moi. Sinon, côté livre, c'est la troisième tome de cette série-là qui va arriver en français parce qu'elle est déjà là en anglais. Mais il va arriver en français en mai. Donc, c'est le livre Allégeance qui s'en vient de Veronica Roth qui s'en vient. Donc, c'est les deux grandes attentes pour moi en 2014. Sinon, je me laisse surprendre par ce qui va arriver. Alpha, de ton côté? Moi, j'en ai pas mal. Par quoi je commence? Mettons, je vais commencer par la musique. On n'en a pas parlé, musique. Non, c'est vrai. Bon, je vais faire ça vite, là. Vous le savez peut-être pas, c'est vraiment une personnalité cachée chez moi, mais j'aime le métal. Non! Pas vrai, Alpha. Quand on était chez vous, c'est vrai qu'on dit de Britney Spears. Et t'étais pas supposé le dire! T'as pas payé assez pour mon silence. Enfin bref, moi, si un de mes groupes que je suis là, que je suis totalement fan de, c'est Wintersun. S'il y a des métalleux qui écoutent et qui connaissent pas ça, là, il faut que vous alliez écouter ça. Puis bref, la deuxième partie du deuxième CD de Wintersun devrait sortir en 2014. Cet album-là, juste pour vous donner une idée, ça fait 8 ans qu'on l'attend. 8 longues années. C'est long. Wow. Mais écoute, la première partie est tellement épique. Elle est excellente de A à Z. Fait que la deuxième partie, on l'attend très impatiemment en 2014. Bon, Wintersun, voilà. Tu dis? Wintersun, oui. Wintersun, donc soleil d'hiver, ça veut dire? Oui, c'est ça, oui. OK, bon, mal checker ça. C'est excellent. Ensuite, on saute au film. J'ai un film, là, vous allez faire comme, c'est le Hobbit 3. Ouais, moi, je suis un fan de la série, là, mais fan fini, fait que le Hobbit 3, voilà, attends. Y'a-tu quelqu'un qui l'a dit? Je pense pas, hein? Non. Non, je venais le dire, moi. Je suis le premier. OK. Bon. Enfin. Bref, là, Hobbit 3. Depuis que j'ai vu le 2, là, pis que là, je dirais pas de spoiler, là, mais là. C'est mieux parce qu'on l'a pas vu encore. La fin du film, là, ça s'arrête à quelque part que ça devrait pas. Je te le donne. Fait que. Il est pas vu encore. Je m'en vais le voir en fin de semaine, là. On n'en parlera pas plus, là, mais c'est débile. Bref, ça fait juste que tu sors du cinéma et t'es en crise parce que tu te dis, il peut pas t'avoir laissé là-dessus. Là, ça. Enfin, les salopards. Ah oui, c'est vraiment très dégueu. Fait que voilà pour les films, et là, tout le reste, c'est des jeux vidéo. Fait que là, moi, je suis un peu comme Jug. J'aime la Wii U, puis j'attends les sorties de Nintendo. Mario Kart, Smash Bros, ça va être à suivre. Ensuite de ça, je suis aussi un joueur de cartes. Fait que X et Hearthstone, ça devrait sortir en 2014, si tout va bien. Pour Hearthstone, dans X, moi. Pardon? Pour Hearthstone, t'as-tu une date? Je suis inscrit puis j'attends toujours. Non, on n'a pas de date. On a les bêtas, là, comme par exemple, je joue sur le bêta présentement. Puis j'adore le jeu, là, mais tu sais, quand ça va sortir pour de vrai, là, on va pouvoir plus mettre en place des genres d'instances pour les tournaments online, puis ça va être vraiment cool. Fait qu'il faut que ça sorte. Ça devrait se faire en 2014, on n'a pas de date, par exemple. J'avoue que Hein? Oui, c'est un free-to-play, oui. Okay. Moi, j'avoue, Alpha, j'attends après X aussi, et je m'en veux de ne pas avoir mis de l'argent dans le Kickstarter, comme tu l'as fait. Moi, c'est fait, puis j'attends la sortie de X. De mon côté, j'ai pas oublié personne, hein? Non. Hein? Non? Comme la dernière fois. Ouais, c'est ça, j'ai pas envie de manquer quelqu'un. Côté jeux vidéo, je vais commencer avec les jeux vidéo, je vais finir avec les films. Jeux vidéo, j'ai l'intention cette année d'aller me chercher une Wii U, parce que Marie et moi, on fait comme, ça aurait été le fun. Wii U! C'est quoi proposer, Ben, dans ce cas-là? Non, je veux pas trop avoir de position avec toi dans un lit, non. Le lit a pas rapport. C'est similaire à ça, mais le lit a pas rapport. Non, je veux pas rien savoir, c'est juste qu'il peut ressembler à ça. Trop de détails, s'il vous plaît! Mais pour ce qui est de Wii U, j'attendrai Hyrule Warrior. Étrangement, je suis quand même fasciné de ce Zelda / Dynasty Warrior. Je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il y a un gros hype derrière, mais il est officiel? Il est officiel? Ouais, oh, oui, officiel. Moi, j'ai lu qu'il n'était pas officiel. Non, oui, il est officiel, c'est juste le nom qui n'est pas officiel. C'est ça, c'est le nom qui n'est pas encore décidé, ça s'appelle de même. D'accord. C'est par Nintendo, là, c'est Nintendo qui avait fait l'annonce. C'est Nintendo puis Koei. Oh, bon. Fait, c'est une belle collaboration, est-ce que ça va être le fun? Je ne sais pas. Mais j'attends avec impatience. Là. Mais il est beau, côté graphique, il est beau. Ah, il est magnifique, je le trouve vraiment beau. Sinon, à part ça, côté... 3DS, ça va être Super Smash Bros. Également, que j'attends avec impatience. Et le Wii U également, le nouveau Mario Kart. Tout simplement, je trippe Mario Kart solide à fond et j'ai très hâte d'y jouer. Et d'avoir des gros parties ici d'accro qui jouent ensemble à jouer à Mario Kart, c'est vraiment le fun. Côté. Et rage aussi, je pense. Hein? La rage aussi, je pense. Non, on s'amuse. On s'amuse quand on joue à Mario Kart. C'est tu peux pas être enragé en jouant à Mario Kart. Je suis pas capable d'être enragé. Oh, c'est ça. Ça me rappelle les sessions Party. Tu peux pas être enragé. Ben, mets un peu d'argent sur la table, tu vas voir, ça va commencer. Ça me rappelle mes double dash. Et ben je vais y aller avec côté film parce que oui, il y a une couple de films que j'attends avec impatience. Le nouveau Captain America, que j'ai vraiment hâte de voir, Winter Soldier. J'attends avec impatience que Thor 2 sorte en DVD. Ça devrait être pas long quand même. C'est mon film. J'attends avec impatience également Guardians of the Galaxy. J'ai en août. Ça se vient ça, hein, je pense? En août, 1er août. Ça va être très, très intéressant parce que pour une fois, on va voir une franchise que je ne connais pas toute. Je ne connais. Iron Man, tu sais, tu le connais un peu de nom, tu connais un petit peu ses pouvoirs. C'est correct. Captain America, c'est la même affaire. Thor aussi. Guardians of the Galaxy, what the fuck, qu'est-ce que c'est ça? Fait que j'ai hâte de voir ça. Des moutons noirs chez Marvel, fait que. Ben, tant mieux. Tant mieux. Et sinon également côté film, cette année il y a également excusez-moi, je viens totalement d'avoir un blanc. Sérieux? Et c'est à moi. J'ai totalement oublié point, alors c'est pas grave. Mais c'est vraiment les films de Marvel que j'attends avec impatience pour 2014. Je trouve que ça va être très très intéressant. Côté musique, il n'y a rien qui m'attend. Tâche réellement, je dois avouer, de mon côté. Et c'est à peu près ça de mon part. Je pense que ça fait le tour pour ce qui est des attentes 2014. On va y aller avec Shadow de ton côté. Comment on peut te rejoindre sur les internets? On a ma page Facebook, Shadow Zone Game, qui est toujours disponible. Puis on a aussi ma page YouTube sur le même nom. J'ai aussi une page sur Twitch que je suis de temps en temps, mais elle n'est pas complétée. Fait que soit surtout ces deux premières pages qu'on va me retrouver. D'accord. Je vois antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur antythes@yahoo.ca ou gmail.com. On peut également me envoyer des messages sur mes chaînes respectives, que ce soit Tag Télé ou encore le YouTube. On peut également me rejoindre de la meilleure façon qui est la suivante. en vous loguant sur le forum des accros sur accrosdejeux.com pour vraiment venir discuter de jeux vidéo et de n'importe quoi qui est super le fun et super cool live sur le forum. C'est-tu moi ou des fois quand j'entends PL parler, c'est comme si j'entendais la machine de Mattel. Mattel. La c'est pas Coleco, une télévision. J'ai l'impression que c'est la boîte machine qui s'attachait dans les télévisions et qui le faisait parler. Ça faisait Mattel Electronic Present. Mattel Electronic Bomber. Une vieille voix chiptune. Oui, c'est ça. je trouvais que ça sonnait de même. Je suis seul à avoir pensé ça. T'étais le seul. Arcade, comment on peut te rejoindre sur les internets? Écoute, la meilleure manière, c'est sur la page Facebook d'Arcade Rétro. Le dessin, c'est ben c'est Arcade Rétro. Puis le dessin, c'est comme un petit logo avec Mario Donkey Kong. Puis sur Facebook, justement, c'est la meilleure manière, c'est là que je suis le plus actif. Sur YouTube aussi, parce que mes vidéos sont publiées. Et sur mon site web, c'est là que tout le matériel est répertorié. Fait que si des fois les gens se perdent sur le Facebook, tout peut se retrouver là. Et en passant, je peux plugger mon petit concours. Ah ben oui, vas-y. Un concours? Oui, un petit concours. J'ai une carte iTunes de 100$ que je vais faire tirer dans le fond parmi les... Ben, oh, on recommence! Mais c'est live, fait que je peux pas. Fait que, t'es sans filet, là. Mais c'est pas grave. Dès que j'ai 500 likes sur la page, dans le fond, j'ai une carte cadeau que... Il y a trois étapes à faire, c'est d'aller liker la page, liker la photo, puis dire le jeu d'arcade préféré. Ton jeu d'arcade préféré, tu le mets en commentaire. Puis suite à ça, dès que j'atteins 500 likes parmi tous les gens qui ont suivi ces trois étapes-là, ben, je vais faire tirer une carte cadeau de 100$ d'iTunes pour pouvoir, ben pas iTunes, mais dans le fond du App Store. Fait qu'on peut aller se rechercher des beaux petits classiques sur les iPads, puis sur les mobiles, puis toutes ces affaires-là. Et malheureusement, juste un gamer ne pourra pas participer parce que c'est iTunes. Oh, c'est chiant. Ah, ben là, Max Horn. T'as dit, Jock, si je gagne 1 million, tu vas voir le dernier Mac avec Final Cut Pro. On va s'arranger, là. Je veux rien savoir de ton Mac, là. Garde ça chez vous. Garde tes cochonnés. Alors, j'ai hâte. Je pense que je vais créer une guerre entre Arcade Rétro et juste un gamer. Juste non, j'ai rien contre tes produits Apple. C'est des très bons produits. C'est juste qu'ils sont bien trop chers pour ce que c'est. Mais non, je suis les deux, écoute, j'ai deux ordi, un laptop, un iPad, un iMac, fait que j'ai tout ce qu'il faut, je suis d'un deux bords, je suis un traître. Non, c'est correct ça, c'est des bonnes machines, c'est des bons produits, c'est des excellents produits. C'est pour le travail. Et voilà. Ah, ben si c'est pour le travail, c'est correct. Ah, ben ouais. Et voilà. Juste un gamer, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur la page Facebook de Juste un Gamer. Je vous invite à aller me liker sur cette page. Vous pouvez aller sur YouTube, évidemment, en cherchant Juste un Gamer. Là, et pas Gamer, G-A-M-E-R. Là. G-A-M-E-U-R. OK? Gamer, français. C'est quand même. Gamer. OK? Puis ben, sinon, vous pouvez aller sur le site d'accrodesjeux.com, sur le forum, puis on pourra faire des discussions super intéressantes. Super intéressant! C'est là intéressant, ça! Marie-Lune, comment on peut te rejoindre sur les internets? Intéressante, là! Super intéressant! Il y a un peu de retenue, le bon! Excusez. Oui, mademoiselle! Alors, vas-y. OK. On peut me rejoindre par courriel à vlog de Marie-Lune en commercial gmail.com. On peut me rejoindre sur le Facebook de Marie-Lune ou sur le Facebook d'Accro des Jeux. On peut me rejoindre sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et on peut me rejoindre, bien sûr, sur le forum d'accrodesjeux.com. Testeur Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? Vous pouvez chercher Tester Alpha soit sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube ou il y a aussi mon site internet. Je suis pas mal actif un peu partout, mais la meilleure des façons demeure sur le forum des accros des jeux. De mon côté, il y a plusieurs façons où vous pouvez me communiquer. Il y a d'abord la page Accro des Jeux sur Facebook, donc facebook.com/accrodesjeux. Il y a également le Twitter des Accro des Jeux, à commercial Accro des Jeux. Il y a également aussi excusez-moi, le site internet des accros des jeux, accrosdesjeux.com. Il y a aussi le courriel des accros des jeux. Et je sais que vous attendez avec impatience la personne qui m'a écrit cette semaine sur accrosdesjeux@commercialgmail.com. Et je m'en vais directement. Non, la personne, la heureuse chanceuse qui me demande qui à me jaser, eh bien, c'est mademoiselle, c'est Madame Teresa A.U. qui me dit je travaille à la HSBC Hong Kong, Head of Corporate Sustainability, Asia Pacific Region. Et une somme de 23 200 000 $ a été déposée dans un compte par une personne décédée et ça a l'air qu'elle me l'a légué. Mais moi, j'ai une larger penis, fait que t'es chanceux. Hey, oui, moi j'ai eu 30 clés de Hearthstone dans la dernière semaine. Là, que... Il y en a qui sont chanceux ici. Effectivement. Alors, si vous voulez m'envoyer un courriel autre que m'offrir une coupe de millions et enlarger ma, mon pénis. Vous pouvez quand même envoyer un courriel, ça me fera plaisir d'aller vous répondre. Alors, en passant, Link, merci de nous demander rapidement la page Facebook d'Arcade Rétro. Je vais te chercher l'adresse parce que je peux pas te la linker. C'est /arcade-rétro sur Facebook. Essaye ça, tu devrais être capable d'avoir arrivé sur la page Arcade Rétro. Là-dessus, merci beaucoup de nous avoir écoutés à ce podcast-ci. Soyez là la semaine prochaine parce qu'on va jaser de clubs vidéo. On va se rappeler des bons vieux souvenirs de clubs vidéo ensemble. Pour la belle nostalgie qui nous attend. Mais ça... Alors, là-dessus, c'était le Big Ben. Antithèse. Juste un gamer. Marilyn. Alpha. Chef de QC. Arcade Rétro. Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye, bye bye. Bye. Bye.